bien fait que les temps mourir niveau la dame. Just family, me say fido, just friend. Priez bon, j'ai moto, you trop bad mind. En plus, ce calings to enemy, malgré tout ex y'all dem. Mais moi, qu'a passé, j'ai dit, moi, j'ai tout qu'elle ouais, tout d'elle, faut pas. Bye, yo, chance, man, dit, ouais, tout fait bless, man, a real general. Pas qu'à mon lit, d'ouvrant, yo, que c'est plus. Kayana, man, fait ça, friconnette. Ton enfant qui m'a travaillé, donc. Yeta yout pa mélange ke yo pièce dans moto pour ma chasse en madame madame. Bah you mon love la tu aïe la tu maski moun ki la non adem. Ya ki hypocrite hypocrite. Mais pas d'agat savé ki moun i ka béni ka na fadem. Combien fait que les tout mourir du vol à terre. Yo sa barbe exemple de jalousie, jalousie du vol à terre. Je suis donc un bécu kaka kapete contre un trip. A papa c'est ton compte en fuck it tout ça run shit. Yo ka parle de 38. Mais yo ka dominion yo casque big fucking sleep. Derby ton pas ça run shit. A papa c'est ton compte en fuck it tout ça run shit. Univers on tour on l'aime au biggie frat kakia. Mo savé ton kamon pour frat kakia. Vin maman l'on l'aime au frat kakia. M'obligé ready mo tête l'on ka paye poussia. Position on le big frat kakia. Wine up on le big frat kakia. Climb up on the big fat kaki ya. Parce que y'a real fucking big man qui a fuck pussy ya. So tête baissée, so verre plein. Moi celle qui a pas moi ici 6h matin. Mo tête pété, mo tête plein. Au soir y'a déjà obligé faire ce respect. Y'all, depuis ta loi ton café mon pété câble. Mo pas câble off, mo qu'obligé pas trop d'étapes. Mo déguilé sur les mots donc on est à dégâts. Tout le fuck juste dans ton famille, mo pas qu'à faire des tailles. Vini faire un tour là, mo biggie fat. Faut me garder moi. C'est pas moi qui te paye pas. Fais vite avant il trop tard. Pour des soldats moi non, mettre corps en mode cao-cao. Parce que oui, on homme qui bataille. Donc là, obligé wine, obligé wine, gal. Avant la peine, fais scandale. T'as l'air à où t'es qu'à parler. Actuellement, c'est moi qui a parlé. Ou ça serait bien qu'un piqué qui t'est wallé. Mister, baby gal, comment tu fais ça? Du lundi au dimanche, tu wine ton go. Mister, ok. So, me gal, them wine. Avant, il t'ota. Avant il trop tard, pas fait chalet, gars, nous savons très bien où aime ça. De l'air où tout c'est loup cabriné ça. Donc là obligé wine. Avant il trop tard, là obligé wine. Avant il trop tard, pas fait chalet, gars, nous savons très bien où aime ça. De l'air où tout c'est loup cabriné ça. En bas quand même pas les débats, la cabriné. Sol là où on vit meilleur. Les autres là ça va y'en pas cabriné. Comme au banc, c'est pas où y'a que ça meilleur. Pour le moment, soldat, mais la gâte en nous. Pour le moment, soldat, mais la gâte en nous. Oui, dis-nous, ou dis-nous, dis-nous. Mais comme tous les jours, il j'ai bien un autre jour. Donc là, obligé, wine. C'est pas moi qui ai fait bao. Fais vite avant, il est trop tard. Pour les soldats, moi non, mais qu'on va te cao cao. Parce que oui, un homme qui va tao. Ou à laisser, pas dit qu'il n'en l'ait rien, nous vini décompressé. Si moi qu'à coller d'ailleurs, on pas senti qu'on agressé. Il peut qu'il n'y blessé. Sauf que y'a mal, ouais, gal whine, baby, comment c'est whine up, whine, gal whine, ou qu'à faire me crier, oh my god. Sauf que y'a mal, ouais, gal whine, gal whine, lady, comment c'est whine up, whine, gal whine, ou qu'à faire me crier, oh my god. Madini nani red femme. Red femme qui en forme. Nous pète capé un petit chabine, un petit négresse, un petit métier, un petit couli, nous pas gaffons. Yo mérite des siodis. Soirée madinina, c'est la qui ni plis miss. La ni combien y'actrice, caché chez yon Will Smith. Will bad gal, garçon pas vinidis. Madinina ladies, au square y'a les wè. Gal whine, baby, comment c'est whine up. Whine, gal whine, ou café me crié, oh my god. Au square y'a les wè. Gal whine, comment c'est wine up, wine, gal wine, ou café me crier, oh my god, c'est Boogie number one, yeah, Madinina. pardon. Au soir, y'a ma vie, nous sommes pardon. Le pardon. Le Bifort, pendant une heure, qui joue ça en mix de tes hits préférés sur Trace FM. C'est qui, les gars? Appuie sur le bouton. Quel bouton? Quel bouton? Il y en a des millions de boutons. C'est parti! C'est nous! Vous êtes quoi, une bande de super-héros? Lui, c'est Yannick, notre chef qui n'a peur de rien. On les vanne, on les piège, il faut que ça saigne. Nessie, c'est la brute épaisse. Pourquoi moi? Pourquoi vous m'embêtez, les gars? Enfin, bref, passons, Sabri. C'est un vrai génie. Et moi, c'est nous, le double H élégant et irrésistible. Et mec, ça te dérange pas si on démarre l'émission? Bref, on est la génération 9-7. Lancement. Trace. Guadeloupe, Martinique, Guyane. Prends la parole dans la première libre antenne des Antilles Guyane. Génération 9-7. Ouais. On est de retour. C'est parti, c'est vendredi soir. Est-ce que tout le monde va bien? Oui. Est-ce que tout le monde est prêt à partir en week-end? Ouais. Bon, on y va, pas d'émission ce soir. Ok, bye bye. Au revoir. À plus tard. Bye bye. Mais non, on peut pas faire ça. Non, mais c'est surtout Nessie. Écoute, monsieur. C'est surtout Nessie, tu sais. Nessie, elle est là, elle fait, mais on peut pas faire ça. Mais bye bye. Après tout le monde, tu sais. Bye bye. Tu sais, on sent que, genre, si on avait dû avoir, à un moment ou à une autre, pour cette scène, tu vois, un Oscar, tu vois. Bah, à cause de Nessie, on l'aurait pas eu. Je dis ça, je dis rien. Désolé. 0820 203 200. Également sur le net, www.trace.fm. C'est week-end dans la Trace Radio. Merci de nous rejoindre. 0820 203 200, le numéro de téléphone. Ça, c'est au tarif d'un appel local que tu appelles de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane. Mais ça se passe également sur le web. Ouais, TraceFM97 par exemple, ça c'est notre Snapchat. Un petit coucou à Sissi022, T-Chat7 ou encore Sonia. On a plein de choses à faire ce soir. On a notamment la génération 97 live de Cécile. Elle est passée cet après-midi dans les studios histoire de faire sa petite balance et tout. Le truc va être pro. L'occasion d'inaugurer pour la première génération 97 live de cette rentrée. les tout nouveaux studios de Trace FM. Il y aura du live Facebook ou pas ce soir? Si, si. Ça se passe sur les réseaux sociaux également. Hashtag G97, hashtag Trace FM. Il y aura des invités évidemment qui sont venus voir, constater de même si les clips run plus beaux ou si l'appareil photo ne fait pas magie. Avec Cécile, mais aussi Pompis qui débarque dans la demi-heure. Pompis qui sera notre invité, évidemment, les traceurs. Hashtag G97, hashtag Trace FM. 0820 203 200. On aura du Hey Baby Allo et on aura des appels à la hotline des cocoteurs. Oui, on appellera. Ah, j'ai oublié son nom, je vais vous dire ça tout à l'heure. Mais il est chaud. Pour le Hey Baby Allo, c'est Miguel qu'on a dans le collimateur. Ok, vous nous filez les numéros de téléphone si vous voulez que quelqu'un de votre entourage soit piégé par Kalash en personne. C'est le Hey Baby Allo. 0820 203 200 pour laisser vos coordonnées dans la trace radio. Il y a des breaking news ce soir? Ouais, il y en a. On parle de quoi? On va parler de BlackBerry. Ok. On a l'impression que c'est le siècle des dinosaures. Nessie, ah oui, non mais Nessie, elle dit au revoir après tout le monde. Tu sais, Nessie, elle débarque. Attention, mais je viens vous parler du BlackBerry qui vient de sortir. Non, justement. On tout à l'heure, elle va nous dire, on va parler aussi cinéma, les gars, quand même. On va parler des visiteurs, le premier volet des aventures des visiteurs qui débarquent au cinéma. On va parler des adieux de BlackBerry, quand même. Ah, okay. Ah ouais. Parce qu'il continue à se battre jusqu'à présent. Ouais. Mais ah, 1% de vente de téléphone. 1% de vente. Oui, oui, oui. Ouais, mais ça fait tous combien... les téléphones du monde. Oui. Ça fait combien en dollars quand même? Oui, d'ailleurs. C'est les gars, tu continues tant que t'as l'espoir de gagner un petit peu d'argent. Je suis poké. On a Ilou également avec nous ce soir. Bonsoir. L'équipe du standard, Yoshi et Keshi. Yo! Ah, les gars ont fusionné. On a le stagiaire, Kikam. Putain, j'hallucine. On a Oi et Hey avec nous. Est-ce qu'on a un DJ? Est-ce qu'on a un DJ? J'ai pas l'impression qu'on est un DJ. Je ne l'entends pas. On a un DJ, mais il est pas en stéréo. Tu entends sa musique de très très loin. Ce n'est pas une musique, c'est un appel à l'aide. Un appel à l'aide pour des gens pour ambiancer le dance floor. Tu sais, c'est un DJ. C'est... On dirait une petite annonce, tu sais. Jeune DJ, motivé, cherche public pour s'ambiancer. Cherche titre que vous lui réclamiez. Défi que vous lui lanciez. Si jouez derrière les platines, on revient dans un petit instant. Hashtag G97, hashtag Trace FM. 0820 203 200. Génération 97 démarre maintenant. Hey, hey, I'm beyond all that fuck shit. Hey. Mama, would you like to be my sunshine? Nigga, touch my game, we gon' turn this shit to Columbine. Ice on my neck, cost me 10 times 3. $30,000 for a nigga to get free. I just hit Rodeo and I spent like 10 G's. I just did a show and spent the check on my mama. When I go and vacay, I might run out the Bahamas. And I keep like 10 phones, then I'm really never home. All these niggas clones, tryna copy what I'm on. Nigga, get your own, tryna pick a nigga bone. Worked a brother skip, boy, I had a good day. Metro PCS, trapping boy, I'm making plays. 50 shades of gray, beat that pussy like a Hogan. I know you know my slogan, if it ain't about guap, I'm gone. Niggas hitting cause I'm chosen from the concrete I had rolled. Shorty staring at my necklace cause my diamonds really froze. Put that dick up in her pussy, bet she feel it in her toes. I'm a real young nigga from the 6th throwing balls. I'm a real nigga from the 6th and Bows. We a young nigga from the 6th and Bows. In the middle of the party, bitch, get off me. Goddamn. In the cut, I'm rolling up my broccoli. Goddamn. Yeah, I know your baby mama fond of me. Goddamn. All she wanna do is smoke that broccoli. Goddamn. Whisper in my ear, she tryna leave with me. Goddamn. Say that I can get that pussy easily. Can't hit that shit so greasily. Goddamn. I'm a dirty dog, I did it sleazily. Ain't no telling where I'm finna be on. Hey, hey, I'm beyond all that fuck shit. fits into a pole house. It's like eviction number four now. Go ahead and ash it on the floor now. Girl, go ahead and show me how you go down. And I feel my whole body peeking. And I'm fucking anybody with their legs wide. Getting faded with some bitches from the west side. East coast, nigga, reppin' north side. Never waste a whole time. Bitch, I'm on my own time. Fuck a nigga, cosign. Always change my number and my phone line. Baby girl, I don't lie. Used to have no money for a crib. Now my room service bill cost your whole life. If they try to stand me, I go all out military. I'm camoed all out like I'm in the military. Generation 97. You're more than a cup of porridge. And your pussy a the best place for earth. Your pussy a the best place for earth. It come in like summer in a Paris. Tight like a traffic. Your titty them a foreign. New York, Miami. Your body super cali. Fragilistic especially. Do a shot of this. Foot on no damage. You want a married man and you want a bachelor. Forget a bachelor, you want to go a college. Me get kick out of school, but me go a jammies. Diamond in a me chain, slavery abolished. Your pussy a the best place for earth. Your pussy a the best place for earth. If you're in a Miss World, tous les soirs sur Trace FM. Merci d'être avec nous, c'est le week-end. Week-end. Génération 97 Live avec tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure. Pourquoi tu prends cette voix haletante, Yannick ? Oui, je me parle à moi-même. C'est ce genre de moment quand il y a vraiment, vraiment quelqu'un que j'aime bien qui arrive. Quelqu'un qui impressionne et en même temps, quelqu'un de tellement, tellement simple. Tu sais qui c'est ? Non, ce n'est pas Stony. Tu sais qui c'est ? La génération de cette live. C'est avec elle ce soir. La Miss Cécile. Elle débarque dans notre Trace Studio d'ici un peu moins d'une heure. Allez, hashtag G97, hashtag Trace FM 0820 203 200. Vous posez vos questions en amont pour pouvoir la voir en direct. Je ne vous laisse même pas imaginer la file d'attente qu'il y a pour lui parler. C'est maintenant qu'il faut appeler, c'est maintenant qu'il faut contacter Keshi du côté du standard ou Yoshi 0820 203 200. Nous accueillons également tout à l'heure Pompis. Yes, Pompis va faire la première partie de soirée avec nous à l'occasion d'une très très belle cause. Il débarque dans le Trace Studio ce soir. On va avoir l'occasion de parler dancehall et puis surtout, bon ben, pour Lilou et Nessie, de pouvoir se frotter contre le bonhomme en vrai, à défaut de le voir tout le temps en permanence sur Trace Urban. Ça y est, vous allez le voir. T'es ni en selle, c'est bas, oui, t'es cachoté ça, ni en selle. Non, on vérifiera. 0820 203 200. Il y a du Hey Baby Allo aussi qui se prépare, Hugo. Oui. Hey baby, allô. On appellera avec la voix de Kalash tout à l'heure. Yes, Kalash, piège désormais tous nos auditeurs. Vous nous filez les numéros de téléphone que vous voulez qu'on compose. 0820 203 200. Dans un petit instant, dans une poignée de minutes, nous allons vous offrir la possibilité de beaucoup rigoler de quelqu'un. Qui on appelle ce soir, Sab? On appellera Miguel, c'est de la part de Samantha. Yes, d'ici là, quelques petites breaky news. Le oui. Tour de l'actualité, on commence par quoi? Alors BlackBerry, hein, ils ont décidé enfin d'abandonner la fabrication. Il y a des gens qui savent même pas de quoi tu parles. Ils ont l'impression en fait que t'as juste trouvé un mot en anglais en révisant ton interview pour Cécile tout à l'heure, en se disant c'est un fruit ça le BlackBerry, non? Ils ont décidé d'abandonner. C'est eux qui ont inventé comment c'était, enfin je sais même pas comment on peut dire ça parce que maintenant on n'utilise plus, mais tu sais c'était le seul téléphone que tu pouvais garder en permanence allumé pour pouvoir envoyer des mails. Des mails, c'est pratique. C'était le seul téléphone, même dans les avions, hein, il y avait une espèce de conspiration. Et c'est l'ancêtre en fait de tous les smartphones, parce que en fait c'était le téléphone des grands boss de ce monde, sauf qu'il est en train de disparaître. Oui, ils ont décidé d'abandonner la fabrication de smartphones et ils vont se recentrer sur leurs activités de service aux entreprises et sous-traiter toute leur production. Donc c'est fini, adieu BlackBerry. Quoi d'autre, hein? Alors en 97.2, la baignade en mer est déconseillée. Qui c'est qui dit 97.2? Tu dis 97.2, mec? Personnellement, non. Non, tu dis 972, 972, toi. Ouais. Ou alors tu dis 972. Non, 972. Non, mais 97.2. On dirait, tu sais, un vieux journal gratuit, ouais, pour les petites annonces. Le 97.1, le 97.2 et le 97. Attention, retrouvez. Enfin, le truc a disparu depuis que le bon coin existe. Mais si, on sait à quelle époque tu vis. Alors, il y a eu trop de pluies importantes qui sont tombées sur le département. Et ça a duré quand même pendant des jours et des jours. Ça a affecté la qualité. Ça a affecté la qualité de la transparence des eaux et de la baignade. Donc le directeur général de l'ARS de la Martinique recommande à la population d'éviter la baignade. Il faut attendre la transparence habituelle de l'eau, l'absence de débris flottants et les abords des lieux de baignade sans danger. Martiniquais, Martiniquaises, on a importé de l'eau de Guyane. Vous ne pouvez pas vous baigner. On a d'autres breaking news qui débarquent sur Trace. On parle de quoi? De la suite du film Les Aventures, Les Nouvelles Aventures d'Aladin. Tu as aimé ce film? Moi j'ai aimé. Moi j'ai pas regardé. Je crois qu'il est cette semaine en diffusion sur Canal, mais je crois que. Je sais pas, ça m'inspire pas. Non mais je te parle de la suite. J'ai regardé la fin et c'était pas mal. C'était bien. Alors j'ai bien peut-être utilisé le replay. Non mais Nessie, elle est très drôle, tu sais. Genre, mais t'as bien aimé ce film? J'ai pas vu le 1. Mais il y a la suite là. Non mais il était bien, c'est l'occasion de regarder le 1. Ouais. Ils vont faire la suite et ouais. C'est prévu pour février 2018. Ouais. Maman, ouais. Donc tu as le temps, comme c'est pour février 2018, c'est là, vous avez le temps de voir le 1. Tu as quasiment 2 ans devant toi. Je crois que je me rappelle encore de la bande originale. Ça faisait pas un truc. Ah ouais, avec bah Black oui. M. Ouais. Il a la main sur le cœur, il est venu pour vous tendre la main. Maman, tu as appris par cœur. Hey. Alors le film est bien. En fait, vous êtes fan de Black M dans la vraie vie, en fait. Moi, j'aime bien Black M. 0820 203 200. Quoi d'autre dans les breaking news? Ben, une histoire incroyable. C'est l'histoire d'une jeune étudiante. Elle était dans le coma depuis plusieurs mois. Et au moment où les médecins s'apprêtaient à la débrancher, elle les a empêchés de le faire. elle a ouvert les yeux. Elle a ouvert les yeux. Imagine-toi la nana, elle est dans le coma, oui. Elle est sur son lit, tu sais, oui. Genre, au moment où le mec dit, bon ben, vous savez, il n'y a plus rien à faire. Enfin, tu sais, nous on a tous vu ces scènes-là, c'est pas qu'on est médecin, hein. Certains ouais. pourraient le croire tellement c'est réaliste, mais c'est que simplement, on a vécu, tu vois, ça dans Dr. House, voilà. On s'est tapé Grey's Anatomy, on s'est tapé tous ces trucs-là. Ouais, et donc tu vois. Le respirateur artificiel. Ouais, voilà, tu vois. Alors toi, tu fais le respirateur artificiel, moi je fais le bip. Je crois qu'il n'y a plus rien à faire, Madame Johnson. Je crois que vous n'avez pas d'autre choix que de débrancher votre fille. Il n'y a aucun espoir. La médecine ne peut plus rien au stade où elle en Dépêche est. Dépêche-toi, je bave. Voilà 8 mois qu'elle est un légume et il va falloir songer à la débrancher. Vous voulez que je vous laisse seule, éventuellement avec votre fille, quelques secondes ? Dis non, dis non. Et au moment où il se tend vers la prise, la meuf fait... Non les gars, je dois voir Aladdin. Elle peut dire ça. Elle peut se réveiller. Non, elle peut se réveiller pour ça. Laisse tomber, arrête Nissi. Elle peut se réveiller. Des fois, le silence, c'est bien. Vous pourrez retrouver cette version de cet épisode d'urgence avec Nissi sur Comédie et Comédie Centrale. Éventuellement en replay sur les chaînes de tous les humoristes. Parce que sincèrement, non, tiens, on n'a pas réussi à rentrer dans l'univers. Quoi d'autre dans les Breaking News ? Des Breaking News. Ah non, il y a la Minute Johan. Tous les jours, on fait une Minute Johan. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans l'univers autour de ça ? Ben, on continue justement à visualiser sur la page 100 toutes les vidéos. Dali est à l'origine d'un titre. Un titre qui, depuis, a été maintes fois repris. Et j'ai vu des participations de Haïti, les gars. Ils ont participé à ce titre, eux-mêmes, de leur côté. Il y a beaucoup de gens qui se mobilisent. Il y a tous les départements qui sont représentés. La Guyane y est aussi. Et d'ailleurs, il y a j'ai pas vu encore la Martinique. Je suis pas sûr, mais il y en a un qui avait un accent. Bon. Non, mais c'est difficile après. Tu vois, les créoles se ressemblent quand même. Mais hein. Je sais qu'il y a une Guyanaise, une humoriste guyanaise, qui a critiqué en fait la démarche de certains qui ne chantaient pas très bien, qui n'étaient pas forcément inspirés. Wow, c'est pas ça qui est important. Elle l'a fait de manière humoristique avec le hashtag qu'il faut, donc ça va. Non, on va essayer de rentrer en contact avec cette nana. 0820-232-100, on se prépare à la G97 Live de Cécile. Mais en attendant, Pampis, derrière, rejoint évidemment le Trace Studio dans une poignée de secondes. Le temps qu'on branche les platines, qu'on s'ambiance encore un peu, qu'on s'engère un peu avec Tijo. Et derrière, Pampis est avec dans Génération 97, à tout de suite. Ce mercredi 12 octobre à 16h à Madiana, Trace FM et le forfait Sapé by SFR offrent l'avant-première de La Pièce. Hey poto, elle est vraie ton histoire. La Pièce, le premier film événement du Watibé. Au départ, c'est un charclou. Il dormait près du quartier. Regarde ça mon pote, lanceur des pièces. C'est marrant votre jeu, tu peux jouer. Le gros fou rire de la rentrée en avant-première Trace FM avec le forfait Sapé by SFR. Toute la semaine, get le signal de La Pièce. Est-ce que t'en as une de pièces. Et les extraits de la BO du film à la suite. Appelle-nous au 0820-203-200 et repars avec 2-2-2-4. 4 ou 6 places, ta boisson et tes pop-corn pour l'avant-premier événement de La Pièce, mercredi 12 octobre, 16h, à Madiana, avec le forfait Sapé by SFR. Forfait Sapé by SFR, ça le fait. Plus d'infos, trace.fm. Trace FM. Trace FM, premier de ce dimanche soir, entre 19 et 22h, Trace FM te rejoue le meilleur de Génération 97. Le replay. C'est le replay de Génération 97. On va parler ce soir. Dirty Talk. Dirty Talk. J'avoue être sensible aux gémissements. Pas n'importe quel gémissement, parce qu'il y a des gémissements qui sont vraiment horribles. Les pornos japonais, j'ai du mal. Ah, moi j'adore. Et t'as gay passage. Génération 97, le meilleur de la semaine. La crème de la crème des conneries de la semaine. En rediff ce dimanche soir entre 19 et 22h sur Trace FM. Le replay de Génération 97 aussi dispo sur trace.fm. Alors, cette rentrée ? Bah, c'était une rentrée comme les autres, sans plus. Ah ouais ? C'est marrant ça, parce que avec toutes les photos que t'as postées sur ton mur, ça avait plutôt l'air d'une super rentrée. Pour tout partager de sa rentrée, Orange vous offre deux fois plus d'internet mobile pendant deux mois pour toute souscription à un forfait Play 2 heures et plus. Et en plus, en rejoignant Orange, profitez du Samsung Galaxy J1 à seulement 49 euros. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre valable jusqu'au 19 octobre. Engagement de 12 mois. Détails et conditions en boutique ou sur orangecaribe.com. www.trace.fm. Ici, au 96 300, dans tous les coins de l'archipel, t'attends.

ya. Parce qu'il y a real fucking big man qui a fuck pussy ya. So tête baissée, so verre plein. Moi celle qui a pas mouillé chez 6h du matin. Mon tête pété, mon tête plein. Au soir y'a déjà oublié fait ce respect. Y'a l'eau, y'a l'eau, y'a mon pété grave. Mon pack à blanc, mon kebli, j'ai pas trop d'état. Mon déguilé sur les motos qu'on est à dégâts. Nous qui fuck juste en tout famille, mon pas en fait d'état. Univers où nous tournons les mots biggie fat kakia. Mon savait tout comme pour fat kakia. M'obligez de dire mon tête là tout à bas hypocrisie. Position dans le big fat kakia. Dans une poignée de minutes maintenant, on reçoit Pompis dans le Trace Studio. Il est avec nous. Hashtag G97, hashtag Trace FM. Rendez-vous sur live Facebook. On se connecte, vous débarquez en direct. Way I got love one away, yeah, me love the way your body shake, body shake. Yeah, you take me to another place, another place. Can't wait if you know what I did, holiday. Way I gon' make the link one away, one away. Way I got love one away, we make the link one away now. Pretty face and your Coca-Cola shape. Number one, yeah, like there, big up T-Jo son, big bad DJ. Oh oh. Il pourrait presque le faire en live en fait, hein, puisqu'il est là en face de nous. Génération 97, le soir, no limit, y a pas de limite. Merci d'être avec nous, Mada Guadayana, 0820-203-200, je te laisse l'annoncer Hugo. Je sais que tu es super exalté en général dans ces moments-là, j'adore trop sa voix quand il fait ça. Bon, par contre, quand ton micro est dans ton casque, ou ton casque dans ton micro, le mec, c'est quand même un des rares animateurs de radio qui adore que les éléments d'un studio ne fassent qu'un, fusionnent leur corps, tu sais. Il était en train tout à l'heure de... Oh là là, fais pas ça. Ah, c'est trop mignon, c'est du professionnalisme en état pur. Qui est avec nous, Hugo? Mr. Pompis. Yeah man, Pompis there. Pompis, sacrée quantité de tubes, de hits, quand même dans sa discographie, hein. Vous pouvez faire le karaoké, hein. Par contre, pour le reste, vous avez oublié les paroles, en fait, hein, c'est ça? Alzheimer. De quoi tu parles? Pompis, qu'on a entendu également sur ce titre. Party Turn Up. Ah, man. À une époque, il s'occupait, et c'était lors de... Il travaillait pour l'administration à l'époque, et faisait le recensement sur la planète pour l'INSEE. Il se chargeait personnellement d'aller toquer à la porte. Bonjour, c'est Pompis, je travaille pour l'INSEE. Vous êtes un homme ou une femme? Il faut que je vérifie, madame. Il faut que j'en sois sûr. Monsieur, je vérifie aussi. Après, il s'est mis à l'équitation. C'est marrant comment on peut raconter des histoires avec tous les titres à la suite. Moi, en ce qui me concerne, je t'ai découvert en fait à une époque très particulière. On lançait la radio en fait en Guyane. On lançait Trace et il y avait deux titres en fait qui se chevauchaient un peu les uns les autres. Est-ce que tu vois à peu près ces deux titres? Il y en a un où tu étais tout seul. C'était un truc genre... Je sais pas, tu avais dû te faire mal ce jour-là et t'avais eu une inspiration, t'avais fait un refrain, c'était genre aïe. Il y avait beaucoup de souffrance dans cette chanson. Oui, énormément de souffrance. Aïe. Est-ce que tu guéris maintenant? Oui, là ça va beaucoup. Toujours pas. Et l'autre titre en question qui a bien bien cartonné, auquel il a participé aux côtés de Jayanai. C'est là, c'est à ce moment précisément que les Antilles découvrent, un mec avec une grosse voix qui fait « Mouvement là-haut, tête baissée, zip zap, wabab, messieurs !» Enfin, c'est à peu près approximatif. C'est approximatif, hein, c'est ce que je me rappelle des paroles. Pompis est avec nous dans le studio, s'il vous plaît, sous votre bruit, sous votre désordre. Bye. Bon alors, comment ça se passe la vie? Tranquille, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, bah t'écoutes, t'entends, tout le monde est synchronisé, tout le monde bah t'attends. Qu'est-ce que t'as à nous dire alors? Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce qui se passe dans la life? Bah écoute, on est là, hein, toujours pareil, on baisse pas les bras, on travaille dur pour continuer à vous donner du son. J'ai cru comprendre effectivement que tu t'as passé une période un peu particulière jusqu'à environ juillet. Apparemment, tu n'avais pas de chez toi. Et grâce à une fille, enfin, tu as trouvé une place dans une chambre d'hôtel. C'est ça? Ouais, au Portugal, ouais. Comment elle s'appelle? Je m'en rappelle plus. Ah mais, non. Ouais, désolé. Arrête. Ça va vite chez les artistes. Ça va vite. Ça va vite. Bon, c'est ton titre actu, de très très très belles images. Et en même temps, on a l'impression que Pompis nous prépare un truc. En fait, on sait pas trop. On te sent là, présent, mais en même temps un peu en retrait. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se prépare dans le même laboratoire que Wolverine. Mais si je déballe tout, ce sera pas drôle à part. Bah, tu peux nous donner une petite exclue, mec, ne serait-ce que pour l'amitié qui nous lie. Non, mais voilà, toujours du son sur des femmes, sur d'autres sujets, de nouveaux flows, de nouveaux styles, et voilà. Alors, en même temps, de la musique, quoi. En même temps que nous divertir, le mec a une conscience, quoi. Il a une conscience. Et d'ailleurs, c'est à ce juste titre, pour cette bonne cause, que tu notamment te mobilises. Il s'agit de la semaine, en fait, de la lutte contre la drépanocytose. Et à cette occasion, il y a un concert dont tous les fonds récupérés, toutes les recettes, en fait, iront à la lutte contre la drépanocytose. Le DrépAction, tu nous en dis un petit mot, mec? Eh ben, écoutez, la drépanocytose, voilà, c'est la déformation des globules rouges. Attends. Non, mais c'est important. Parce que attention, il y a des exercices aussi, parce que le nom de la maladie n'est pas forcément facile à dire. Drépanocytose, donc pour aller plus loin, plus vite plutôt, on parle souvent de drépano. Mine de rien, on en connaît beaucoup autour de nous. Ouais, voilà, les Antilles sont quand même pas mal touchées. Et donc je pense qu'il est intéressant qu'il y ait ce genre de manifestation et que les artistes mettent leur pierre à l'édifice, tu vois, pour essayer de faire évoluer les choses. Ouais. Donc les fonds iront au financement d'études pour des jeunes qui se lancent dans la biologie. Donc voilà. Notamment pour évoluer et puis mieux connaître en fait cette maladie pour mieux lutter contre. J'ai cru comprendre qu'une partie des fonds aussi allait toujours être utilisée dans le cadre de la lutte contre la drépanocytose, mais cette fois pour essayer d'améliorer aussi le quotidien de malades qui en souffrent beaucoup. Il y a plusieurs stades, notamment de la drépanocytose, des stades très très très très douloureux au quotidien, et puis des stades qui sont un peu plus bénins. Une maladie qui concerne particulièrement les populations noires. On a été bien briefé, hein, mec. Hein. Ouais. On a été bien briefé avec Johan et Dacha, tu sais. Mais c'est un peu ça, on sait en même temps que parfois, quand on devient ambassadeur, c'est vrai qu'on en connaissait peut-être pas forcément autant sur la maladie auparavant, mais du fait, effectivement, de devenir ambassadeur, du coup, tu on découvres un peu mieux, ouais. Tu comprends un peu mieux aussi, ouais, forcément, ce qui se passe. De toute façon, après, c'est comme toutes les maladies, j'ai envie de dire, tant que ça nous touche pas ou ça touche pas nos proches, on s'y intéresse pas forcément. Mais quand une maladie ne peut que s'attaquer à nos proches ou nous-mêmes. Exactement. Ou notre population, ça fait encore un autre degré en fait de préoccupation. 0820 203 200. Donc demain, DrépAction, 20h, si je dis pas de bêtises, ça se passe au Grand Carbet Aimé Césaire. Il y a avec toi donc Johan et Dacha qu'on a reçu hier, mais il y a aussi par exemple Dominique Lorté. Yeah. Tiens, Sabri, il a l'air d'être bien calé sur la liste des artistes. Je suis super bien calé, donc je vais te laisser finir. Non, mais j'ai senti que le mec, il est collé contre Lilou, tu sais, depuis tout à l'heure, il est pas concentré en fait. Non, c'est pas vrai, c'est parce qu'on partage le même micro. Donc la liste du DrépAction, Sabri. Eh bien, tout à fait, ils seront tous là. Non, il y a aussi Orlan. Léla Chico, Orlan. Mehdi Custos, Izzy Kenenga aussi. Jean-Marie Ragal. Ça fait beaucoup, beaucoup de monde, hein. Ouais. Un beau plateau, quoi. Très, très beau plateau. Le but du jeu, évidemment, je crois que c'est 25€ l'entrée, hein. 25€ l'entrée. Donc, grosso modo, tout cet argent vous permet, vous aussi, d'être un acteur de la lutte contre la drépanocytose. Ça se passe demain. Qu'est-ce qu'on fait avec notre ami Pompis? Ça fait un petit moment qu'on l'a pas, je sais pas, taquiné, torturé. Tu connaissais les nouveaux studios de Trace Caribbean ou pas? Oui, j'étais déjà venu. La dernière fois, on avait fait un truc acoustique. Avec la guitare? Ouais. Putain, je m'en rappelle même plus. On a déjà eu deux ou trois vies depuis qu'on est arrivé ici. Hein. Non, mais ce soir-là, Yannick. Ce soir-là, quoi? Il y a des gens qui sont venus avec des bouteilles et. Ça a mal fini. Ça doit être Olivier. Moi, je dis ça, je dis rien. C'est pas pour rien que Olivier, le manager de Pompis, c'est mon pote. Hein. Tiens, parlons un petit mot d'ailleurs sur la Caribzy qu'elle revient. T'as vu le plateau, mec? Non, pas encore. Pas encore. Sachez qu'il a été aussi à un moment, donc pour la première édition, ambassadeur aussi de cette première Caribzique. Il a même bronzé sur le bateau. Ça ouais, pas alors, ouais. Putain, moi je me rappelle. En fait, on avait un tournage, tu sais, à la télévision, pour la télévision. Et en fait, c'est vrai que, mec, moi on m'a déjà traité de Mabouya, mais je te trouvais tellement clair, Blood. Ouais, c'était un truc de dingue. Ouais. Et le mec, à la fin, il me fuitait. je sais pas, un petit rose classe, tu vois. Un petit rose classieux. C'était, ça t'allait bien. Mais merci, j'espère que avant de partir, je vais rechouper ce petit j'espère rose. J'espère bien. On va te mettre en stage intensif là sur une plage du sud. Hashtag G97, hashtag Trace FM. On va jouer avec Nessie. Qu'est-ce qu'on lui fait à notre ami Pompis? Ben, je vais l'interviewer, mais tu ne dois surtout pas dire la lettre P dans tes réponses. Ah merde. C'est ma lettre préférée. Tu vois, donc par exemple. Déjà là, t'as perdu. Préférée. Non. Alors, tu. Ma lettre préférée, il y a un P. Alors, moi, ma question, c'est qu'on comprenne bien les règles du jeu. Alors, en fait, les règles du jeu, tu ne peux pas répondre que par un seul mot. Mm-hmm. Il faut quand même faire des phrases. Mm-hmm. Et voilà. Pas de lettre P. Ok. Ok, pas de lettre P. Ça veut dire que si le mec, il a envie de dire, par exemple, ma chanson préférée. C'est perdu. Favorite. Alors, s'il dit ma chanson référée et qu'on comprend, il enlève le P. Il y a que toi qui va comprendre. Ça passe ou ça passe pas? Ça va pas passer. Donc, il faut pas que tu utilises de mots contenant la lettre P. Donc, si tu veux jurer avant qu'on commence le jeu, tu peux dire putain maintenant. Alors, on y va, on essaye. Des questions sérieuses, mais tu vas essayer de garder ta concentration. Attention. Qu'est-ce qui te motive dans la vie de tous les jours? L'argent. L'argent. Ça fait un seul mot. Ah merde. Non, déjà. Le l'apostrophe contre presque. Et quel est ton petit péché mignon? Alors, je crois que mon. mon fils. Oui. C'est l'alcool. D'accord. Voilà. C'est une belle phrase quand même. Hein. Oui. Moi, je salue la performance. On dirait qu'il est boulé en le faisant, mais. Mon grand vice, c'est l'alcool. Ah bah, écoute, on a presque envie de te croire. Hein. Tu peux me mettre un petit peu de live Facebook? Bah alors, pour qu'on n'ait pas en live sur Facebook. Il est là, il est en train de draguer, se réchauffer sur Lilou. Je suis pas en train de draguer. En fait, je suis en train de regarder la photo que j'ai faite tout à l'heure et qui chie un regard particulièrement amoureux sur Pompis. Je suis en train de poster ça sur les réseaux. On reste concentré, les gars. Question suivante. Donc, demain, tu peux me rappeler l'heure et surtout, quelle est la cause exactement? Alors demain, cela se déroule au Grand Carbet Aimé Césaire. Mm-hmm. Oh, voilà. On se voit qu'ils ont changé le nom. Donc là, cause. Et c'est pour le cancer du sein, c'est ça? Presque. Non. Pas c'est mis en dedans. On rappelle qu'il n'a pas le droit d'utiliser de mots qui commencent par P. Ouh, tout le monde sait que les arbres, c'est pour les gens malades. Voilà. Les gens donc, malades. 20h, des globules rouges. 22h30, des globules rouges, voilà. D'accord. Des globules rouges, des petits globules rouges. Qu'est-ce que tu aimes bien faire en salle de sport? Si tu y vas, je sais pas si tu vas en salle de sport. Pas. J'aime bien faire du fitness. Ça passe. Il a pas le droit d'utiliser la lettre P. Les bras. Les bras. Okay. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas faire du tout? Le squat. D'accord. Qu'est-ce qui semble important vraiment à tes yeux dans la vie? Bien, le plus important. Écoute, rester relativement aux côtés de ses. On dit un sac pas un peu. De sa famille. De sa famille. Mais c'est pas facile comme exercice. Hein. Moi, tu me poses une question comme ça. Aime. Ah, tu me poses une question comme ça. Qu'est-ce qui est important pour toi? Moi, j'ai un truc à te répondre. J'ai envie de dire les putes. Non, c'est pas vrai. Non, une non, dernière question ou c'est la dernière? Oui. Une dernière question. Attention. Quel est ton blase déjà? Kevin. Mon vrai blase, c'est Kevin. De son vrai prénom, Kevin Pompis est avec nous dans le Trace Studio. On l'applaudit, s'il vous plaît. Yes. Il a réussi 4 bonnes réponses et une vous s'est un peu foiré à la fin. C'est pas mal, c'est le pas presque. Mal. Attends, mais mec, mais c'est, il est difficile ce jeu. J'avoue. Putain, depuis quand tu fais des jeux difficiles comme ça? Tu m'as appris ça. Hein. Ouais, hier soir. Depuis quoi. Qu'on travaille ensemble. D'accord, ok. Hashtag G97, hashtag Trace FM. On rappelle évidemment le rendez-vous. Il a lieu demain. Pour tous ceux qui veulent aider la lutte contre la drépanocytose, yeah. 20h, Grand Carbet, Aimé Césaire, Dominique Lorté, Jean-Philippe Martelly, Orlan, Johan, Eric Ragal, Amico, Medicustos, Dasha, et voilà, je crois que j'ai tout. Ça fait énormément de monde, sans oublier évidemment Pompis. Et moi-même, voilà, Pompis d'air. 25€ et l'ensemble de ces recettes va à la lutte contre la drépanocytose demain soir, Pompis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tu restes d'ailleurs. On va s'ambiancer sur un petit son là, machin, etc. T'as calé des petites instrus ou pas? T'as envie de chanter tout de suite ou t'as envie de chanter à la fin de la session? On peut le faire. T'es chaud? T'es pas chaud? On peut le faire tout de suite. On peut le faire tout de suite. Allez, vas-y, envoie-moi un premier rhythm. Lâche-moi un truc, s'il te plaît. Mr. Tijo, let's go. En posant la question avant. Allez, on y va. Pa, un truc trop dur. Hein. Pas un truc trop dur. Ouais. Pampis avec nous. Pas un truc trop dur. Ah. On y va ? C'est parti. Yeah, Pampis there. Tell them, say. Ah, Jimmy. Oh, oh, hein. Tell them. Gal, non, moi, c'est Pompé, c'est que Ariel Galia, sans pas connaître l'échec, et les mots chacs, nos réseaux pas même. Ouais, moi, d'ailleurs, tout bout de condor, licencié le seul et l'unique panis à faire des podés. Gal, au Vessaf, les siens qui venaient en coller, son épousable, d'où mon poum, pour mon pack à courir. Bien, n'a déclaré, oui, j't'ai pas tout dit, y'a mon cabaye, depuis Fort France, juste ma tour, il bamboune, négre, chabine. Chapé, collé, j'ai pas le temps pour les gamines. Gâté, pourri, dans 100% des cas, ça finit. Toujours au lit, vinique tout sort, vinique tout coup, vinique tout. Tout acolyte satisfait, tout remboursé, gal, c'est promis. Real stamina, amen, pas jamais qu'à être trop vite. Non, ma au bad, hein, y ka boué, qu'on lip, tonic latini, et chip, sérieux la panique. Gal, tout marie mo tête, qu'on chien bois. Tout marie mo tête, qu'on chien bois. Oh oh, tout marie mo tête, qu'on chien bois. Alright, them. Some is a independent girl. Show. Oh oh. À l'ancienne. Ah ouais, show même. Pump is there. Oh oh. Yeah. Some is sing again. From how about this dose? Combien mito? Et un mère du moins c'est ça, il dit tout. Les doigts au tout nez, quatre compés aussitôt. Si c'est ça, on s'y méritait tout seul, pito. Pas bail en mou, bail l'argent, pito. Pé monter qu'on étalon ou bien qu'on astico. Oh oh, on les djela, yo qui tire rideau. Banda au bis, ni banda au son tricot. Tcha, stock à chercher une pigeon, I know it that. I know it that. Stock à chercher une pigeon, I know it that. Some missing, say, I know it that. Stock à sensing. Ha! C'est bien parce que en fait je cherchais la chanson parce que je me rappelais plus exactement laquelle, mais je cherchais la chanson dans laquelle on se reconnaît autant moi que Sabri. Que tu sois monté comme un asticot ou comme un étalon. Une dernière petite instru. Allez. Ah ouais. Ah ouais. Yeah. Bump is there. Tell them, say. Oh oh. Tcha. Nouveau vibes à marcher là. On esquive la chela. Number one, si place à toutes ces quartiers là. Son la ka fanchu, we joue fanchu, Angela. Clean up des plias, ban nettoyer chanchela. Red son ka tombé. Tranquille, pena. Pompis tout côté, on assiégé toute Sena. Sen, sen, senan. Concurrence là énorme. Pas pompé style là, ok, prends coup de code pénal. Carbon copy. Travail à chinois. Ou prends aspi 6 mois. En pas kaba aussi moi. Pompis, un gros big up à toi. Ah ouais, rendez-vous demain pour le Drep Action. Et évidemment, dans quelques temps, va falloir se tenir en alerte parce que t'as décidé de pas rien dire, de pas trop en dire en tout cas. Voilà. Mais je sens qu'il y a des choses qui se préparent. Il y a des choses qui arrivent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Pompis. Merci à vous. Yes. On continue sur live Facebook. On continue également avec Sijon. On revient dans un instant. Évidemment, ce soir aussi, il y a la génération 97 live de Cécile. C'est marrant. On a l'impression qu'on a, en fait, presque ce soir, la boucle est bouclée. Il y a beaucoup de Caribziqueurs avec nos artistes qui étaient sur la première Caribzique. Cécile débarque dans le Tra Studio tout à l'heure. Le samedi 1er octobre, Orange et Air Caraïbes présentent Darius Riley. Darius Riley live at la Casa. Après 6 ans d'absence, le boss du reggae revient à la Casa pour un concert live unique, accompagné du Black Soul Band et de la légende Dan Fraser. Darius Riley live at la Casa. C'est le samedi 1er octobre 20h avec Europe Car et Coca-Cola. After concert by La Casa Love Sound System. Billets en vente. Allmall.com. Gen 7 Baster. Copacabana Mool. Sport Action Destreland. Trace FM. Trace FM, premier.

fait j'ai jusqu'à mal parler mais nous pièces font l'air et si on les suspecte pour qu'elle représente girl nous cabons y'a bien les bandes inside full money pull up dans nous cabas side nous cas amusé y'a pas j'ai gain pièce job dans nos rivières une côté y'a pas j'ai gain pièce flop nous cabons y'a bien les bandes inside full money pull up dans nous cabas side nous cas amusé y'a pas j'ai gain pièce job dans nos rivières une côté y'a pas j'ai gain pièce flop pour pas moller la mouta flasque et mon girl pour ça savoir qui a nous car on the world pour pas moller la mouta flasque et mon girl. Dis-moi y'a mes mouvements, toujours premier d'ouvre. Mais y'a qu'à tirer gauche, y'a marqué y'a bon bout de chance. Allez y'a bout de science. Mais c'est moi, c'est vrai qu'on va bouger y'a tout ça. C'est plus ça quand j'achète, y'a un bichat, y'a. Aïe y'a marqué t'as, nous pouvons comprendre qui j'en ai fondé. Y'a mon chargé, y'a un bichat, y'a. Aïe y'a marqué t'as, c'est y'a qu'il est qui number one. Don't some, y'a, don't know what, some, what, who know. Aïe y'a marqué t'as, nous pouvons une soirée d'ensemble. Donc quand j'en parle, y'a un bichat, y'a. Nous j'afflex toute la journée et tout à l'aise jusqu'à l'hiver. Nous j'ai bien tourné. Bon moment nous c'est la route. Ah bah j'ai poussé à bout. Côté avec un foutu mon consorcier à ma bout. Allez joker à tout. Ah bah pas si la touche. Tout ni en selfie alors qu'à fibri à tout. Ah bah pas rentrer près d'où. Ah bah qu'à péter fondouille. Pendant qu'à parler bas on va même voir les sympathies en couille. Baby just me and you. C'est écrit qu'on m'y a le douce. Nous qu'est les veilles ni soleil. On est l'amour. Avec c'est nul. Ou méritez un gros zéro. T'as la sédène sol, c'est pas boléo. La nuit en lavette, café odéo. Je crois que je suis chien. Bon, j'ai vraiment la cote, j'ai un peu jalousie. M'en posé yo calme, attends, j'accoussi. Ou peut parler mal si mais ça odi ou di. Ta gueule. Alors, APK, longue vie. APK, alors, APK, longue vie. APK, des bois, des fesses sauter. Des bois, des fesses sauter. Des bois, des fesses sauter. Baby, qu'on crabe en caisse, c'est un trou. Mais avant que brille un coup, Wayne en l'aime, explosion de jaloux. Rien à foutre des alentours. Depuis autant de mes sexes, ça gagne mes terres en trance. Encore il m'a dit ça chaque jour. way. Big up T-Josa, big bad DJ. Big bad DJ, and then you can not stay for yourself. You please, I'm not that straight. Cannot keep any way you have your life, you go to all that way. Hey Shelly, your belly my shaky shaky like a jelly. But you still I get it, still I get your prof some really. Still I get your cheese and cheese. Génération 97 sur Trace FM. C'est fait pour toi, par toi et avec toi. On va saluer Laurie qui nous rejoint sur les réseaux sociaux. Célia aussi qui est connectée. Princesse Mayou ou encore Juice Bed. Alors, essaye juste aussi de dire des petits bonsoirs à des gens comme ça, la bouche pleine, mec. Bonsoir, Laurie. Oh. Y'en a qui se ravitaillent pendant l'émission. Tu prends des forces. Tu crois que le gars plein son boudin, c'est tout. Tu sais quoi, on a deux personnes dans l'équipe. Le monsieur prend des barres énergétiques depuis tout à l'heure parce qu'il pense, que Cécile va peut-être craquer sur lui, tu vois. Mais il y en a un, il est encore pire. C'est notre stagiaire. Il s'appelle Tikam, en fait. Le mec, il est rentré chez lui ce soir. Vous n'imaginez même pas ce qu'il a fait. Épilation intégrale. Non. Il s'est vidé pour pas que ça arrive trop vite. Non. Il a été changé ses draps parce qu'il est sûr qu'il termine la nuit avec Cécile. Bah, il a raison. Au moins, il pourra dormir dans des draps propres. C'est clair. Et tout seul, en fait. Ouais. Hashtag G97, hashtag TraceFM 0820-230. On a un peu de monde qui le rejoint à la radio. C'est l'occasion également de vous rappeler que la génération 97 live de Cécile se fait ce soir avec le forfait Play d'Orange. C'est dans un petit instant. On a du monde aussi du côté du standard qui nous rejoint. Bonsoir, Jérôme. Jérôme. Salut, Teddy. Allô, Teddy. Bonsoir. Bonsoir, Rosie. Bonsoir. Ils sont tous les trois là pour du Big Quiz, le jeu le plus déjanté de toute la bande FM. On se prépare, psychologiquement on va vous détendre avant, on va vous faire sourire, vous inquiétez pas, on va faire un petit peu de Hey Baby Allo. On va faire du canular dans la trace radio avant de revenir avec le Big Quiz. Alors qui on appelle ce soir ? On appelle Miguel, j'ai dit que c'était de la part de Samantha tout à l'heure, elle m'a tiré les oreilles, c'est de la part de Sabrina. Ok. Kalash se lâche tous les soirs sur Trace. Tu nous files les numéros de téléphone et on se charge très volontiers d'appeler, de lui mettre à cette personne que je demande de piéger face à elle, un Kalash débridé. Mais un Kalash que tu connais en plus. C'est le Hey Baby Allo qui débarque sur Trace. Allô. Hey baby, allô. Faut des rangs. Trace FM. À quelqu'un d'autre. Je vais t'enculer avec le bois que ta mère m'avait prêté. Eh hey, mais non, c'est mort. Fini pas. Elle avait du haut. Allez-vous faire voir en bande de connards. Et tu veux quoi d'autre encore? Du pain, du beurre au chocolat? Oui. Et du salami, du saucisson. Et du pain et de la confiture. Faire voir, qu'est-ce que tu veux? On t'encule gentiment. Non, pas ce soir. Mais faire voir. Enfoiré. Bye bye Miguel. Trace FM. Génération 97. Le soir, il n'y a pas de limite. Take my hand through the flames. I talk to you. I'm a slave to your game. Squad.

À mon mental, on déjà bien high. Même si ça pas qu'à excuser le fait qu'en pousser, il baille. J'ai mis un peu installé, mais on passe au drive. Et il semble que c'est pire qu'on qu'a vivre à de caillou. C'est rien, on pas envie que ça partit en fight. Baby, me love you, you always in my mind. Parlez pas, moi, on gagne que tu veux stresser. Du moins, quand on peut faire pour décompresser. You know me, smoke weed, never cesse. On jamais te moi de la flatrice. Il dit, on y remède la café, tout problème cesse. Partout au fessé. Les en cabayade, on va casser. Y'a qui le nous a fuck en bien ici. Hey yo, girl. Ok, bah, on traite mon love pour thérapie. Yes, yes. Finiment, bah, on traite mon love pour thérapie. Yes, yes. Ok, bah, on traite mon love pour thérapie. C'est ça, vous parlez pas peuple là. Comment y'a rêve, soit papa, mais grand homme style. Nous pas qu'à parler trop, tu as baigné en drum, drum style. Là, t'es un X-Men, ou bien on son l'homme pas. C'est talent, c'est pas des comiques à la American Pie. On n'est pas meilleur dance hall. Génération 9-7, la libre antenne des auditeurs. La parole. C'est le week-end, on est cool. Et on est content d'ailleurs d'inaugurer ce soir pour la première génération 9-7 live avec Cécile, les tout nouveaux studios de Trace Caribbean. Rendez-vous sur live Facebook dans un petit instant, elle nous rejoint dans une poignée de minutes maintenant. Entre temps, il y aura du cocoteur. Le cocoteur, c'est quoi le principe? Alors, je m'inscris sur un site de rencontre, je me fais passer pour une meuf et je chauffe des petits malpropres du web. Des petits malpropres c'est toi, le petit du malpropre. Web. Le petit malpropre du web en question, ils sont tous chez nous, hein. Martinique, ouais. Guadeloupe, Guyane. Du coup, c'est toujours un petit moment un peu rigolo parce que, en fait, Hugo s'absente très régulièrement de l'émission pour les chauffer hors antenne. Il les chauffe et à un moment, tu sais, c'est comme si Hugo était un micro-ondes. C'est-à-dire qu'à un moment, il fait... Les gars, on fait maintenant le cocoteur. Il l'a déclenché suffisamment fort. En fait, il les chauffe en discutant avec eux, en chattant avec eux. Et à un moment, on passe à la dimension audio. Et c'est à ce moment-là, précisément, que tu en profites. C'est les cocoteurs qui débarquent tout à l'heure. D'ici là, ladies and gentlemen, here comes the best game all over the world. And I really love this game. We now play the big quiz. Yeah, the big, quiz, big quiz, baby. Oh ouais. Le jeu à l'américaine en Trace FR. Trace FR. Le jeu est complètement délirant. Nous avons des candidats également délirants. On the left corner, regarde Jérôme. Il est venu avec ses supporters, Jérôme. Il nous vient de Cincinnati de Fort-de-France. Il vient d'Italie. Cincinnati de Fort-de-France. Jérôme. J'ai déjà décidé, c'est marqué Cincinnati. Putain, elle est à la traîne, hein, la jeu meuf. Jeu de mots, hein. Jérôme. Rome, en Italie. On a donc un deuxième candidat. Et celui-là, il nous vient de Guayave, la petite commune qui est juste à côté de Baton Rouge en Louisiane. En Louisiane de la Guadeloupe, j'ai nommé Teddy. Quant à elle, c'est perdue dans la jungle argentine. Elle nous rejoint. Elle est de Cayenne en Argentine, juste à côté de Buenos Aires. Elle s'appelle Rosie. Bonsoir Rosie. Oui. Attention, nous ne validerons aucune bonne réponse si vous ne prenez pas la main en donnant votre prénom. On donne d'abord son prénom et nous distribuons la parole et ensuite on écoute la réponse. Ok, okay. Ça marche, okay. First question. Let's go for the big quiz. Au XVIe siècle, Jean Nicot, il introduit en France l'opium, le tabac ou les épices? J'ai entendu d'abord Jérôme. Attends, deux secondes. Jérôme d'abord a pris la main. On écoute Jérôme. La réponse A. Mauvaise réponse. Teddy. La troisième réponse. Mauvaise réponse. Rosie. La réponse du milieu. Eh oui, Jean-Nico, il a introduit la nicotine. Nico. Ah, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. La oui. Nicotine. Ok, c'est de sa faute. Ok, ça marche. Bravo. Deuxième question. On enchaîne sur la seconde question. Second question. Let's go. Dans les Vosges, qu'est-ce qu'un ballon? Est-ce que c'est une grotte souterraine? Est-ce que c'est une montagne, une vieille montagne au sommet arrondi? Ou est-ce que c'est un hérisson? Un bonnet rouge? J'ai pas entendu la question. Alors, dans les Vosges, qu'est-ce qu'un ballon? Est-ce que c'est une grotte souterraine, une vieille montagne au sommet arrondi ou un hérisson? Jérôme a pris la main. Jérôme. Tu dis quoi? Il faut, il faut que tu coupes ta radio, mec. Tu risques d'écoper de 2 points de pénalité si tu nous gênes. Il faut que tu coupes ta radio pendant que tu joues, frère. Parce que ça fait un bruit très désagréable. J'entends pas ta réponse. Redonne-moi ta réponse, s'il te plaît. Réponse A. Réponse A. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Quelqu'un d'autre? Rosie, là-bas. Attention, un peu d'ordre, s'il vous plaît. Rosie. Ouais, ok. La réponse C. Mauvaise réponse. Teddy, réponse B. Allez, vas-y, Teddy. C'est ton tour. Teddy, réponse B. Oui, c'est une vieille montagne. Merci. Bon, les gars. Ça se bat, mais le ballon rebondit dans tous les sens et ils sont pas très adroits au niveau du lancer. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas très coordonné hein, pour l'instant. On y va pour la question locale. Qui dit question locale dit jingle. Local. Détective. Jingle local. Question locale. On y va. Martinique, Guadeloupe, Guyane. Martinique, Guadeloupe, Guyane. Martinique, Guadeloupe, Guyane. Martinique, Guadeloupe, Guyane. Martinique, Guadeloupe, Guyane. C'est la question locale. Locale. Locale. Si et si et si et bois. Si et si et si et bois. Elles ont parlé. Ouais. Le terminal. Ouais. On nous allait. Ouais. Pour la question locale. Un créole, est-ce que c'est un blanc qui est né aux Antilles? Est-ce que c'est un collier ou est-ce que c'est un habitant de la Réunion? Rosie. Quelqu'un qui est né aux Antilles. Mauvaise réponse. Alors qu'est-ce qu'elle a dit? Quelqu'un qui est né aux Antilles. C'est pas vraiment l'intitulé que j'attendais. J'ai pas entendu. Ça veut dire qu'elle a pas retenu l'intitulé que tu lui as donné? Ouais. Ben je le redis alors, je vais le redire. Évidemment. Évidemment. Évidemment. Alors, est-ce que c'est un blanc? Attends, excuse-moi, on va arrêter 2 petites secondes d'émission. 2 petites secondes, parce que c'est le bordel un peu dans tous les sens. Rosie redonne un énoncé. On fait une petite autopsie, les gars. Rosie donne un énoncé qui n'est pas une des réponses qu'on a proposées. À un moment ou à un autre, je sais pas si on est en mesure d'excuser qui que ce soit qui ne retient pas par cœur les propositions qui sont proposées par Nessie. Ce n'est pas admissible. Je suis désolé. Non, Rosie. C'est la question qu'on n'a pas entendu. J'ai pas entendu la question. Ben oui, mais. On n'entend pas bien. Demander de reprendre. Ben ouais, faut lui demander de reprendre. Parce que Nessie, elle se dit pas, il faut qu'elle reprenne. Il faut que vous lui disiez, s'il vous plaît. C'est la timidité, on a. En fait, Nessie, tu les impressionnes de trop. Ça doit être ça, ça doit être ça. On reprend donc l'intitulé de la question. Attention, c'est parti. D'accord. Un créole, est-ce que c'est un blanc qui est né aux Antilles, un collier ou un habitant de la Réunion? Jérôme. Jérôme d'abord. On a donné la main à Jérôme. Oui. Alors. Oui, c'est bien un blanc qui est né aux Antilles. Non, c'est pas ce que t'as dit. Tu as dit un habitant qui est né aux Antilles. Oui, mais quelque part, en fait, c'était la réponse. Tu vois, et là, ça crée un bordel parce que forcément, oui, elle avait compris la question, elle avait peut-être mal répondu l'énoncé, mais en même temps, c'était quand même la bonne réponse. Non, c'était une partie de la bonne réponse, elle n'était pas complète et elle donc, n'est pas admissible. Elle a fait un mix de la première ou de la troisième. Putain, nous je vous présente le jury du bac 2016. Vous n'allez jamais graduer 2017. Putain, récalé, quoi qu'il arrive. Jingle pour Jérôme, s'il vous plaît. On revient dans un instant dans Génération 97 avec la suite du Big Quiz. Se prépare également un appel à la hotline des cocoteurs et notre invité de ce soir qui nous rejoint, j'ai nommé Cécile. Bad gal Cécile, à tout de suite. Ce mercredi 12 octobre à 16h à Madiana, Trace FM et le forfait Sapé by SFR offrent l'avant-première de La Pièce. Hey poto, elle est vraie ton histoire. La Pièce, le premier film événement du Watibé. Au départ, c'est un charcon. Il dormait près du quartier. Regarde ça mon pote, lanceur des pièces. C'est marrant votre jeu, tu peux jouer. Le gros fou rire de la rentrée en avant-première Trace FM avec le forfait Sapé by SFR. Toute la semaine, guette le signal de La Pièce. Est-ce que t'en as une de pièces? Les extraits de la BO du film à la suite. Appelle-nous au 0820 203 200 et repars avec 4 ou 6 places, ta boisson et tes pop-corn pour l'avant-première événement de La Pièce, mercredi 12 octobre, 16h, à Madiana, avec le forfait Sapé by SFR. Forfait Sapé by SFR, ça le fait. Plus d'infos trace.fm. Bah, qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air tout triste. Mais non, c'est juste que le père de Zoé a eu un smartphone offert en prenant la formule Gold de SFR.

affaires sont dans la poubelle. Mais qu'est-ce qui se passe? Si tu me laisses, mon cœur reste là. Non, je peux pas le nier. Aujourd'hui tes problèmes sont les miens. Non, je peux pas le nier. Tu me tends ta main, bah je te tends la mienne. J'ai déconné. Sans toi, je peux plus déconner. J'ai déconné. Sans toi, je peux plus déconner. Ils t'ont dit ci, ils t'ont dit ça. Réponds quand je t'appelle. Réponds quand je t'appelle. Je t'en supplie. Je veux que toi. Allô, pourquoi tu ne réponds pas? Chérie, coco, coco, pourquoi tu ne réponds pas? Mon coupe tombe à l'eau, donc madame met les voiles. Elle est dans les bras d'un autre, c'est là-bas qu'elle se dévoile. C'est bien ce qui me semble, c'est avec mes sentiments que tu jongles. On n'arrête pas de s'embêler, donc sur FB j'ai fermé les ongles. Chatabouli, chatadontak. Toutes ces ghetto youth, gen yo gonna yo kawak. Mais y'a l'ens fait si côté à Vindal Capabou, dis-moi soundman, côté ça m'a gagné. Y'a des guillemots man, des flat. Real bad man, pas qu'à check, bombo clat. Okay. Pas juste Babylone, pas juste politician, pas ça yo même kabaï gun flat. A cause d'une bullet, bullet, bullet, bullet. Boule, ghetto you déjà die, déjà die. Moto qui bullet, bullet, bullet, bullet. Hop mama, t'es jaga cry. A cause d'une bullet, bullet, bullet, bullet. Ghetto you qui jada. A cause d'une bullet, bullet. Hop mama qui jaga crack. Pour yo stop blow, the people them. Arrêtez mentir, on laissez qu'il te you them. Passe à Barunchu, café mundo vim fou. En plus mon pagin web, pièce qu'on tirait tout seul. Tout seul, John, nous qu'a foutu dans le sol. Chabaron goutu bon tenant les dérèdes instrumentales. Modem se, boom bye bye déjà on t'aime. Pas j'ai chat, pas t'y ça pas joué en momental. Welcome to the sale, le ragamuffin dans la mais pour chaque son boy j'ai une balle KLHD. Yeah, yeah. Interdit de se mélanger, si yo dis moto yo gap ou die. A cause d'une bullet. Ghetto you déjà die, déjà die. Moto qui bullet, bullet, bullet, bullet. Hop mama, t'es jaga cry. Moto qui bullet, bullet, bullet, bullet. Ghetto you déjà die, déjà die. Moto qui bullet, bullet, bullet, bullet. Hop mama, t'es jaga cry. From way back one, oh oh oh. She want me beat it up, oh oh oh. She talking that smart, yeah. If you see this Indian girl when she, oh oh oh. She conduct loose, oh oh oh. She drink that juice, yeah. She body walk till it bruises. If you see the Indian girl, oh, oh, oh. I never seen no girl like you. Pretty like Dolly, but you cut no loose. Girl, I make man ball out too good. When she whine and she grind and she whine and she whine and good, good, good, good, good, good, yeah. Good, good, good, good, good, good, yeah. Good, good, good, good, good, good, yeah. If you see this Indian girl, she front way back one. She want me beat it up. Sweeter than Kim Kardashian, Gabriel Union, Isha Rambachan. You're sweeter than, and your body look fit in a your tight dress, girl. Wanna walk it up and tuck it up on the wall. One taste of the good stuff that could make your ball scream. Out on the floor and make you crawl. She said, Ola Tunde, don't stop at all. She riding slow. Le soir, ta radio se lâche. Tu peux tout nous dire. Trace FM, Génération 97. Ta liberté d'expression au 0820 203 200. On va recevoir tout à l'heure Bad Gyal Cécile. Bad Gyal Cécile. Elle sera dans notre studio, évidemment. Cécile débarque à l'occasion de la Génération 97 Live avec le forfait Play d'Orange. D'ici là, il y aura de la hotline des cocoteurs. Ouais, on va appeler un petit cochon qui s'appelle Sex Hard dans mon lit. Le mec, c'est une publicité. C'est une publicité. Bref, d'ici là, on termine le Big Quiz. On est toujours avec Jérôme, on est toujours avec Teddy, on est toujours avec Rosie, en espérant d'ailleurs que... Ça va mieux le faire là, les auditeurs là. Attention, votre prénom pour prendre la main. On organise un peu le truc parce que vous nous avez fait un fouillis. Hein. Je sais pas, mais les gens qui se disent, il n'y a pas d'union entre la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, vous leur avez donné raison ce soir. Hein. Franchement, hein. Parce que c'était le bordel. Hein. Entre le Martiniquais qui la ramène tout le temps, il dit son prénom, son prénom, son prénom, son prénom pour prendre la main. Entre le Guadeloupéen, il est là, il est un jour blaze. Il a un tas de bruit derrière lui. Oh, il a un tas de bruit derrière lui, il est dans l'abribus avec les packs là. Entre Rosie qui nous appelle du fin fond de je ne sais où de hein. On a l'impression que ta langue a pris un choc électrique avec une anguille. On y va. Allez, attention, silence tout le monde. Voici la quatrième question, la fourth question. La question que tu fais postionner en partie avec... Non, d'abord, il y a la... Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. J'ai un doute. Non, mais j'ai un doute, on en était où, des questions? On était à la quatrième. Tu veux peut-être un récapitulatif des scores? Ouais, on en est où? Il y a Mister Jérôme qui mène avec 2 points. 1 point pour Teddy et 1 point pour Rosie. Ok. Voici la fourth question. La question qui te fait postionner, repartez avec Flippant. Un pisciculteur, c'est un spécialiste de la ville de Pise, des piscines ou de l'élevage des poissons. Teddy. Teddy. Les poissons, la troisième réponse. Oui, c'est la bonne réponse. Bravo. Ok, point pour Teddy, qui repasse en tête avec 4 points. Mais rien n'est joué parce que, évidemment, au Big Quiz, c'est un jeu de garce. Ça n'a ni queue ni tête. Ni queue ni tête. Oh, il y a une première question, il y a une dernière question. Je t'interdis de dire ça. Ouais, mais bon, et au milieu, il y a des nageoires. Voici la dernière question, les amis. Nous allons corser un peu le jeu. Vous allez inspirer. Vous allez expirer. Soufflez tout l'air qu'il y a dans vos poumons, s'il vous plaît. Vous allez couper votre respiration. Vous ne reprenez pas votre souffle avant d'avoir répondu à la question. On y va. Final question. Final question. La pizza est réalisée à base de pâte à pain, de pâte à choux, de pâte feuilletée. Jérôme a pris la main. Jérôme a pris la main. Tu respires pas, Rosie. Tu ne respires pas, Rosie. On y va pour Jérôme. Oui, c'est la pâte à pain. Bravo. Donc tous les autres sont punis, ils n'ont plus le droit de respirer. Ok. À la fin des temps. Teddy, Rosie, vous ne respirez plus, s'il vous plaît. On va attendre, il va se passer quelque chose. Demain, ça fera les gros titres dans France Antilles, France Guyane. Bougez pas. Des auditeurs décèdent en plein jeu. Rosie, tu arrives à parler sans air? Elle arrive maintenant. Elle rigole sans air. C'est incroyable, c'est une première. Il faut que tu aies un incroyable talent, toi. Ouais. Rosie, Teddy, c'est perdu. La Guadeloupe et la Guyane humiliés. Non, faut pas exagérer quand même. C'est la Martinique qui l'emporte ce soir. C'est Jérôme qui repart avec les cadeaux. Mauvais. Ouais, merci quand même, hein. Ouais, voilà, le Martiniquais. Mauvais. Mauvais. Le Guadeloupe est derrière. Kounia maman missé. Kounia maman missé. Yo, j'ai assez riche. Yo, là, yo, ni combien supermarché. Combien hypermarché. Et puis, on a un cadeau en plus. Et puis, la Guyanaise. La basketo. Elle rigole. Elle rigole. Elle rigole, la Guyanaise. Bref, on va se faire un petit peu de Zao avec MHD et puis on revient. Hashtag G97, hashtag TraceFM, c'est les cocoteurs dans un petit instant. Et c'est dans une poignée de secondes maintenant que Cécile nous rejoint dans le Trace Studio pour la G97 Live. Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Il ou elle a fait, je crois qu'il y a du mal donne. Vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des donnes. Si l'ami de tout le monde est l'ami de personne, laissez-moi dans mon coin, ici l'ambiance est bonne. Non, tu n'as pas idée, c'est chaud. Pourquoi verbaliser, c'est chaud. L'ambiance est validée, c'est chaud. Le terrain balisé, c'est chaud. Laisse-les parler. Who y'all think?

Il y a plein de gens à la radio là. Plein de gens qui débarquent à l'occasion notamment de Cécile qui fait sa génération 97 live ce soir avec le forfait play d'Orange. Vous savez quoi, je me demande en fait, on les fait rentrer, on leur fait visiter après le cocoteur. On a besoin de se concentrer un tout petit peu. On a besoin un tout petit peu de se concentrer pour le cocoteur. On va vous faire visiter dans un instant l'occasion d'inaugurer également les tout nouveaux studios de Trace Caribbean pour cette première génération 97 live de la saison avec Cécile et le forfait play d'Orange. Qui on appelle, Hugo? Sexe arde dans mon lit. Le principe, c'est pas compliqué. On t'explique. Il y a des gens qui sont inscrits sur des sites de rencontres. Il y en a peut-être parmi d'ailleurs le public. Je dis ça, je dis rien. Lui, il a bien une tête à s'inscrire sur un site. Regarde bien. Regarde là. Et il se cache derrière le mur. Tu vois, il se cache. Ça se trouve, on est déjà tombé sur lui. Tu t'appelles Zizi comment? C'est quoi? Sex art dans mon lit. Ouais, c'est toi ou toi ou pas toi? T'as vu, il est caché derrière le mur maintenant. C'est bien de toi qu'on parle. Dans son téléphone, là. Les sites de rencontres, en fait, tu peux te chatter avec les gens. Ils les chauffent toute la soirée jusqu'au moment où on les prend en direct. Vas-y, compose le numéro de téléphone, Keshi. On appelle les cocoteurs avant de recevoir Cécile dans le Tra Studio pour la génération 97 live. Eh ben alors, Kesh. Ça sonne? Génération 97. Guadeloupe, Martinique, Guyane, 100% radio libre, tous les soirs sur Trace FM. Tu me dis quand t'as envie de travailler, hein. C'est bon? C'est cool, man. Chut, ça sonne, les gars. Allô. Allô, bonsoir. Bonsoir. Salut, c'est Sex Hard dans mon lit. Oui, ça va et toi? Ouais, ça va, je te dérange pas? Non, tu me déranges pas. T'as une jolie voix, hein. Très sensuelle en plus. Ah bah merci. Il y a le travail que j'aurais bien fait sur toi là. Ah ouais, t'aurais fait ah quoi? Ouais. Aïe aïe aïe. Bah déjà, te déshabiller. Ouais. Bah vas-y, là comme je suis toute seule, si tu veux, je peux me déshabiller moi. On peut se déshabiller en même temps. Vas-y, attends, j'enlève mon t-shirt. Ah ouais, moi j'ai un polo, ouais. Un polo noir. Vas-y, avec un short. Enlève-le. Ok, c'est fait. Ouais, bah attends, j'enlève ma jupe, enlève ton short en même temps. Ouais, c'est fait. Il reste quoi? Bah, ce qui reste. Ah, moi il reste que mon soutif, j'ai tout enlevé. Ah ouais, j'aurais bien aimé voir ça. Et t'aimes qu'on te donne ça comment? Ah, violent. Ah, violent? Ouais. T'es sûr de toi? Ouais. C'est ton dernier mot. Ah, ouais. Ah là là. Et moi, je t'aurais tapé le clito avec, comme ça. Ah, ouais, putain, j'adore. J'aurais tapé sur ton clito avec. Ah, ouais, putain, fais-moi mal. Faire sucer là. Ah ouais. Avaler ma bite. Je vais t'étrangler avec. Mmh. Elle est grosse. Je sais pas. Mais si tu la compares, je sais pas. Si tu la compares à un stylo, elle est plus grande qu'un stylo? Ouais. Ah ben c'est bon. Large. On dirait une télécommande même. Une télécommande Samsung. Ah, mon Dieu, Samsung. En plus, ils ont des téléphones qui explosent en ce moment. Ça veut dire que tu vas pulvériser mon lambé. C'est bon, j'ai mon compte. 100% radio libre, 100% radio libre. Tous les soirs, sur Trace FM. Vous êtes étudiant, vous êtes enseignant. DigiLife vous offre 10% de remise exceptionnelle sur le tarif Métropole pour l'achat d'un nouveau Mac. Vous pourrez également essayer tous les iPads et tous les iPhones dans les meilleures conditions et profiter de nombreuses offres spéciales rentrée. Nos experts Apple vous apporteront des conseils personnalisés ainsi que tous les services et garanties que seul un Apple Premium Ressler est à même de vous proposer. Rendez-vous chez DigiLife, centre commercial d'Estreland et sur digilife.fr. Offre valable jusqu'au 15 octobre et soumise à conditions. Le samedi 1er octobre, Orange et Air Caraïbes présentent Darius Riley. Darius Riley live at la Casa. Après 6 ans d'absence, le boss du reggae revient à la Casa pour un concert live unique, accompagné du Black Soil Band et de la légende Dan Fraser. Darius Riley live at la Casa.

sure they walk it for me. I'm just standing nothing to say, cause your lips them look so good like plenty cherry. You lift and you drop it for me. Oh la la, mama, fait to pity. So you on the road yesterday, the rhythm your waist up like two lelele. Cause I must get at this other waist, mama, before I die. Just give me where you never get nobody, don't be shy. I know all of them who watching they go talk, but when they talk we go tell them. I don't know about you, but when they're drunk in the band, me and the woman I'm chanting all night. Génération 97. Papillon, we say the love is so what we woke. Tareignon, qui m'a gaga yana nous c'est timbole. Big up DJ Osa, Big Mac DJ. Get a gyal a rock foot, foot. Few gyal dem a call out. Gyal link me a top road. Nannyville gyal money dem a count out. You want see me have a dozen gyal a cross road, road. Gyal look good in dem clothes. Junglist gyal dem a got bang. Girls a juice van, slang a bang. 30 and strong. Aki walk me, she a wait pan. She a wait. wait pan, wait pan, bang, wedding plan me. She a wait pan, bang, bang, sexy and, sexy and, sexy and round, sexy and round. Abracadabra, bang, bang, wait pan, happy, a wait pan, pan, a key walk me, a wait pan. So me girl them wine, te ba me ki ke fey bow, fey bit avant it go tall. Pour les soldats, moi non, mais quand on m'a cao, parce que oui, on homme qui bataille. Donc là, obligé wine, gal. Pas prendre la peine, fais scandale. T'as l'air où t'es qu'à parler, actuellement c'est moi qu'à parler, ou ça serait bien qu'un piqué qui t'est walé. Mister, baby gal, comment tu fais ça? Tu le dis au dimanche, tu wine ton goût. Mister, ok. So, me gal, them wine, avant il trotta. Avant il trotta. Pas fait chalet, gal, nous savons très bien où aimer ça. De l'air où tout fait loup, cabrené ça. Donc, la obligé wine, avant il trotta. La obligé wine, avant il trotta. Pas fait chalet, gal, nous savons très bien où aimer ça. De l'air où tout fait loup, cabrené ça. En bas, quand même pas les divas, la cabrené. Ah! Là où on vit, mais. Les autres là, ça va y'en pas cabrené. Comme ou ban, t'es pas où y'en ça mène. Pour le moment, soldat, mais la gâte en nous. Pour le moment, soldat, mais la gâte en nous. Oui, dis nous, ou dis nous, ou dis nous. Mais comme nous les jours, bija et bien le jour. Donc là, on dit wise. C'est pas moi qui qui fait bao. Fais vite avant, il trop tard. Pour les soldats, moi non, mais qu'on en mode cao cao. Parce que baby, on est bon. Parce que mes goûts d'amis, y'a gal. 5 foot 2 in a mi petit. Deux pas de things that me frail. Me about the grip on me some big man frail. I saw me good and me a girl. 5 foot 2 in a mi petit. Deux pas de see me and things that me frail. But me about the grip on me some big man frail. I saw me good and me a girl. She ain't same. Top class and me a play down the shandy. I saw me good and some me good petit frail. Top class and I'm Jackie in a derby. Him never know some me bad like that. Him never know some me bubble could a clap. Him never know some the slimmer so tough. When me lucky, me na bet me Tony, me na poor now. I saw me good and me a girl. 5 foot 2 in a me petit. Look at them things that me frail. But I'm here but you grip on me some big man frail. I saw me good and me a girl. 5 foot 2 in a me petit. Look at them see me and things that me frail. But I'm here but you grip on me some big man frail. Trace FM. Génération 97. Ici, c'est la libre antenne des auditeurs. 0820 203 200. Merde. 0820 203 200. Ah si, c'est ça. Génération 97. Ta radio va péter un câble. J'ai l'impression qu'on n'est plus tout à fait seul. Je me trompe ou je me trompe pas? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens autour du monde. Du monde de je perds mon français. Je suis très impressionné parce que les gens le savent pas, mais je suis timide. Est-ce qu'il y a du monde dans le Trace Studio ce soir? Ouais. Maman, t'es déjà au diapason, réglé. Bonsoir, ça va bien? Oui. Ouais, c'est cool, posé. Vous êtes venu pour Cécile? Bah, elle a raté l'avion. Hein. Désolé. Rapprochez-vous un petit peu. Putain, il y a des visages qu'on connaît. C'est toujours bizarre. C'est comme à la rentrée. Tu te dis, putain, il va être encore dans ma classe, ce connard. Tu dis, oh là là, putain, non. Encore lui, non, putain. T'sais, j'étais en retenue avec lui en 2014. Je me rappelle de toi. On était en salle de préventive. Non, c'est pas comme ça qu'on appelle ça. Permanence, pardon. Hashtag G97, hashtag TraceFM. Soyez les bienvenus dans le studio. Faites-moi voir comment fonctionnent vos mains, s'il vous plaît. Applaudissez. Et quand je dis G97, vous dites live. G97 live. G97 live. Il y a des garçons, il y a des filles. Comment tu les trouves ce soir? Parce que tu sais, en fait, au fur et à mesure des émissions, on note les publics, tu vois. Comment tu les trouves ce soir, Sabri? Alors, les filles, il y en a quelques-unes qui sont sexy, d'autres qui sont très sexy, et d'autres qui sont encore beaucoup... Un peu impressionné, tu sais. Moi, je dis ça, je dis rien, mais ce soir, j'aurais trop aimé être un legging. T'es mal à l'aise maintenant, hein. Tout le monde se tourne vers elle. Mais il y a plusieurs leggings, en fait, dans la pièce. Non, là, mais t'es pas mal à l'aise, les garçons. Je dis à haute arrêtez voix. Arrêtez de regarder son W. Je dis à haute voix ce que vous pensez tout bas à l'intérieur de vos têtes, les mecs. Soyez les bienvenus pour la génération 97 live. On est venu voir qui, s'il vous plaît? Je vais entendre son nom. On est venu voir qui? Cécile. On est venu voir qui? Cécile. Quand je dis G97, vous dites live. G97 live. G97 live. Ladies and gentlemen, here come Cécile. Cecil on the radio Trace FM. Tu connais la chanson? Plus chaude qu'elle, a priori, y a pas. Ou chaude comme elle, en fait, ça existe. Ladies and gentlemen, Cécile est avec nous. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, on l'encourage. Cécile. Cécile. Cécile. Cécile. Cécile. Cécile. Et faites-moi un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour la patte. Ouais. Cécile. Ouais. Ah, elle est venue avec Richie Loops aussi dans le Tra Studio. Why did my cup stay in my cup? Cécile, the audience, Cécile, applaudissements s'il vous plaît. Alors j'espère que ça pose aucun problème à qui que ce soit d'entre vous, mais là, une bonne partie de l'entretien va se passer en anglais. Hein. Vous parlez bien anglais ou pas? I ask them if they need some English lessons. Ah, I need some French lessons. Yeah. Alors, elle a besoin de quelqu'un qui lui enseigne le français. A priori, on avait prévu le créole, mais peut-être qu'on va changer la rubrique. On sait pas, on sait jamais. Cécile, welcome on Trace. Yo, my brethren, what's going on? Yes. On s'est vu à plusieurs reprises. A lot of time this year, we connect. On the Caribbean. That was a huge experience, no? Yes. Yeah. We loved it. We were just saying that we wanted to go back. On aimerait bien retourner sur le bateau. Which studio you prefer? This one on the boat or this one today? Lequel des deux studios tu préfères? Celui qu'on avait sur le bateau? I'm going to say this one today because of... Ah, elle aime le public ce soir. Okay. Vous pouvez vous applaudir, s'il vous plaît. Ouais. Yeah. Okay. The entire next hour is yours. Mine. You come with a friend, Richie Loop. Yes. Yes. We're gonna sing together. Yes. We're gonna talk together. Ready. We're gonna make a lot of things. Okay. But sorry for my English. Oh, sorry for my French. For advance. Yes. Yes. So, oui, plus, oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu sais dire en français? Qu'est-ce que c'est? Je t'aime. C'est bon. I don't know. What did you bon? Ask me? C'est bon, c'est ce qu'elle a dit. What can you say in French? Oh, je t'aime. Okay. You know, every year I get worse. Il y a pire que quoi? I get worse every year. With ah ouais, chaque fois elle perd boyfriend. De plus en plus son français. D'accord, ok. I told you I need a French boyfriend to fix this problem. Il y a très longtemps, elle m'avait confié en fait qu'elle voulait un petit ami en fait francophone qui puisse lui donner des leçons. Et il y a très très longtemps, elle m'a dit ça. Depuis, elle a toujours pas pécho. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Cécile est avec nous dans Ultra Studio sous vos applaudissements avec Richie Loops. Hey. So. Bless up. Maintenant, now. On s'excuse d'avance. On est en live sur Facebook également. Vous qui nous suivez à la radio, sur les réseaux sociaux. We're gonna make an intro, like a biography. Oh, okay. Alright. His name is Sabri. You met him on the boat. Yes. You can remind him. Yeah. I remember it. Yeah, remembering. I remember. Yeah. Yeah. Yes, celui qui ne s'est pas baigné dans le jacuzzi. Okay. We were in the jacuzzi together. Do you remember that? Avec moi. Yes. On était également au sauna ensemble. Voici l'intro de Cécile. Cécile, elle voit le jour 24 février. February 24. Mm-hmm. Okay, you're gonna make it in French. Oui. Yeah, and a little bit in English too. Yes. Okay. You're born in February. Yes. 24. Mm-hmm. 24. Mm-hmm. Comme mon nombre de centimètres. Okay. My dimension. Elle est très mal à l'aise. He's lying. Cécile, ses parents l'ont appelé ainsi parce que Cécile. Alors, vous parlez pas anglais, je sais, je vais traduire pour vous. Alors, Cécile, en anglais, ça veut dire juin. Ça veut aussi dire conclure. Et ça veut dire aussi chasser le phoque. Yannick, tu peux traduire ça pour moi? Je suis incapable de traduire chasser le phoque. Alors, he's asking about your really French name and he try he's looking for an etymology but I think is it's French. Yes, yeah. Cécile is French, yeah. But his explanation is really weird. It means patron saint of music. What? On va garder plutôt la définition de décidée. Elle était décidée à devenir la dancehall queen. Alors la petite Cécile, elle fait la fierté de sa mère. You are the fierté. Non, your mother is proud of you. Your mother is proud of you. Your father is proud of you. Yes. Donc de son père, mais aussi du père de son père qui auparavant était maire. Maire, yeah, grandfather is the mayor. What's okay. The mayor? Voilà, yeah, okay. Je suis pas en train de vous dire que son grand-père était transsexuel. On va se calmer. Hein. Quoi d'autre? Elle découvre la musique avec Michael Cooper. Yes, with Third Michael World. Cooper avec, I know what avec. It. Reggae yes. Music. Yes. Of course. Oui. Pas de Corse, hein, de Jamaïque. En 2001, tu exploses aux États-Unis. UK one, you explode. In the United States, like Al Qaeda. Yes. On the towers. On the towers. Yes. Ouais, super. La même année. Oui. Coïncidence? Non, je ne crois pas. Ok, elle explose dans les années 2001. Quoi d'autre? Ouais, avec un featuring avec Sean Paul. Yeah. Can you do work? Sean Paul, can yes. you do the work? Oui, I can. Yeah. Yes. En français, pouvez-vous faire le travail? C'est peut-être la question qu'on va me poser la semaine prochaine pour l'emploi. Vu ma rubrique de ce soir. We're gonna fire him. We're gonna fire. No. My jacuzzi partner. No. Il reste mon partenaire de jacuzzi. 2K4, Red Alert Redeem. 2014, le Red Alert Redeem. 2004. 2004, pardon, ouais, 2K4. Excuse-moi de te reprendre, Yannick. Ouais, non, mais c'est bien. Ça fait. 2004, c'est notamment le Red Alert, c'est notamment le Hot Like We. Yes. Okay. That's really weird. Weird. Because this rhythm is so old. But the time it exploded yes. In United States and all over the world, that was later. Way later. It happens all the time with Jamaican music. Do you remember the first year was the Red Alert Rhythm? La première année du Red Alert Rhythm, en fait, c'était très très ancien. Ça a mis beaucoup de temps à percer. Maybe 2003. C'était en 2003, 2002. Elle sait plus trop, mais visiblement, ça met jusqu'à 2004 à arriver dans ma voiture. In his car. Et ce morceau m'a permis de découvrir qu'il y avait une certaine Gaza Chatawalpa qui résidait au niveau de mon arrière-train. In English, the music can give him the charism of a dancehall queen. Mm. Not a dancehall king, dancehall queen. Son premier album Bad Gyal te permet d'être en fait. Alors vous voyez le magazine Playboy? Yes, I did. Well, I didn't pose, but la pose était vraiment sexy. German. La pose était vraiment sexy. Elle atterrit dans le Playboy en Allemagne. Mais elle se dénude pas. Elle garde, c'est vraiment la pochette de l'album. Alors il y en a certains qui font des sex tapes pour attirer dans la musique. Ben apparemment, ben toi, en faisant de la you musique, don't need no sex tapes. You don't need to get off your clothes. I thought he said he saw my sex. Non. Alors peut-être qu'il y a une sex tape. No. Ça se trouve tu viens de poser une question. Peut-être qu'il y a une sex tape. Where did you get it from? You have it. Alors, c'est rigolo parce que alors oui. Parce que mine de rien, Lilou, elle a une question pour toi. Lilou has a question for you about your partner. It's maybe we can do this later. In the show, but you have a lot of songs talking about men. Partners. Yes. Yeah? Yes. Men. Why? I love men. Ok. C'est bien. Est-ce qu'il y a des garçons ce soir? But you know, ça va les gars, prenez un ticket. A lot of my songs are not necessarily about me though. Some of them are about like my friends or other girls, stuff that I hear. Elle peut parfois prendre des personnages, interpréter des histoires qui sont pas forcément que les siennes. Elle parle de ses amis, elle parle de plein de choses. I can tell you some that's been about me though. Ouais, mais par contre, il y en a quelques-unes, faut les trouver dedans. Il y a des chansons qui sont des expériences personnelles. I'm waiting. Boyfriend was arrested. Ah ouais? Non. Jail. Yeah. Elle a déjà eu un gangster. No more gangsters. Un copain qui était angel. No more gangsters. Okay. And I'm gonna love you when you're here with me. Okay. I had a boyfriend that had a girlfriend. Ok, donc elle est sortie avec un garçon qui a déjà fait de la prison. Elle est sortie avec un garçon qui avait déjà une nana. Ok. Yeah. So Which other song? You ready for the West Indian man? Tu es véritablement French West Indian. Ouais, French West Indian, but quite yeah. the same. Quite the same. Autre chose, Sab. Ben ouais, 6 albums plus tard. Six albums. Yeah, about that. Later. 6 albums later. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah. Yeah. Et ben, tu nous reviens en 2016 avec Diary of a Journey. C'est ce que j'ai dit, Yannick. C'est ce que j'ai dit. Diary of a Journey. We all need English lessons. Et une collaboration notamment avec DJ Fly, c'est it. Yes. On est vraiment heureux de t'accueillir ce soir. Dans G97 Live. We are really proud to welcome you in the show tonight, Cécile. Woo! Everything you said was exact. Mm-hmm. From what French I speak, it's exact. De ce que je comprends du français, apparemment, ça avait l'air assez correct. You have a lot of experience in our countries, French, Guyana, Guadeloupe, Martinique. Which one is your favorite? Laquelle est ta préférée de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane? You can say the truth. Tu peux dire la fouf. Je traduis. Hein. I'm gonna say Martinique. Why? Because I saw a hot police at the airport. Parce qu'elle a rencontré un policier qui était plutôt chaud à l'aéroport. Il y a des gens qui aiment pas la fouille, mais apparemment ça a pas l'air d'être son cas. Ok, elle a craqué sur quelqu'un. You came with Richie Loop. Yes. Richie Loop is a friend from Caribzik too. Yes. On a déjà eu l'occasion de rencontrer Richie Loop. Yep. Are you together? No. Family, bro. Hey guys, you spend a lot of times together, no? Yeah, not that's in the my same sister. Room as no. my brother. C'est un genre de frère, en fait. Okay, yes. D'accord, okay. My brother. Oh, we have that kind of explanation. The girls? When? Okay, d'accord. Il aime les femmes avec les grosses fesses. I like the black. He likes the big bumper. The big bumper. Okay, yeah. D'accord. Nicki Minaj. Okay. Kéchi, c'est bon pour toi. He said girls, okay? He's a boy. Hashtag G97, hashtag TraceFM. How are you, Richie Loops? I'm good, man. I'm good. What's up? What's going on? Yeah, man, everything is nice, okay? I can see. It permits me to practice my English. Yeah, cool. And tout est beau. Tu pratiques son anglais. Arrête, s'il te plaît. We're gonna sing together. We're gonna share together. Yes. We're gonna talk about different things. Sorry. On va chanter ce soir. Oui. On va share. On va partager. On va partager. Et je vais également vous demander des Jamaican lessons for her. Ah. Because so, let me introduce you, Nessie. Ok. Mm-hmm. Je vous présente Nessie. Nessie. Is not able to speak English. Oh. And it may be worst in Jamaican. Ah. Okay? So, comment s'appelle le chanteur qui était en concert? What is the name of Chris Brown? Can you? Je me suis entraîné depuis. Chris Brown. Ah non! Chris Brown. Okay, quand je lui dis Chris Brown, elle dit Chris Brain. Okay? You're gonna teach her a lot of things, Jamaican All sentence. Right. I give you a few minutes for preparing the right. Okay, the Jamaican lessons. Richie Loop, Cécile avec nous dans le studio. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. On revient avec la Jamaican leçon de Nessie dans la Génération 97 Live avec Cécile. G97 Live. C'était pour voir si vous dormiez. Vous pouvez applaudir s'il vous plaît, faire du bruit en même temps. Samedi 1er octobre 19h30 au Grand Carbet du Parc Aimé Césaire. Venez soutenir la deuxième édition. Du concert solidaire Drépaction avec le groupe MKG, Orlan, Easy Kenenga, Dacha, Pompis, Dominique Lorté, Johan, Jean-Marie Ragal, Leila Chico, Jean-Philippe Martelly, Lady Custos et bien d'autres. La drépanocytose, c'est à fait nous toutes avec l'APIPD. Renseignements au 06 96 30 51 53 et 06 59 14 18 62. Samedi 1er octobre. Nous qu'à attendre Zot. Billets en vente à Ingrid Boutique, la Galeria, Fiesta. Bise, 25 boulevard du Général de Gaulle à Fort-de-France, station Vito, Belle Étoile à Sainte-Marie et sur moneypass.com. Trace FM. Trace FM, première radio musicale. Ouais. Ici.

plus than up. Patiska cup, titty plus than up. Patiska cup, titty plus than up. Patiska, patiska, patiska, patiska, patiska, patiska, patiska, patiska, patiska, patiska, patiska, patiska, patiska, music. Yes, French Guyanese. J&A King. I know you love like French it. West Indian music. Cécile est avec nous dans le Tra Studio. C'est la génération 97 live de Cécile avec beaucoup beaucoup de monde qui est venu la voir ce soir. Sous vos applaudissements s'il vous plaît. Le soir, tout est permis dans Génération 97 sur Trace FM. When I say bad gal, you say Cécile, bad gal. Cécile. Bad gal. Cécile. Bad gal. Cécile. I love it. Je suis un bon MC ou pas? Je me demande si je pourrais faire carrière en Jamaïque. Mon anglais n'est pas assez bon. I do the MC quite well. Yeah. Very well. Very well. It's not so obvious in English, but in French I kill. It's great. You do. Thank you. In Jamaican, yeah, murder it. Okay. So, nous allons passer en mode Jamaicans lessons. Comment tu dis Chris Brown? Chris Brown. Chris Brown. That's really difficult in English first. But now, it's in Jamaica. Mm-hmm. Jamaica Patois. Richie Loops and Cécile. Yes. You have to give her some lessons. All right. Of Jamaican sentence. If she needs to be fluent in Jamaica. Okay. Okay? First sentence. Okay. Première phrase. Where y'all come from? Where I come from? Viens en face du micro, s'il te plaît. It's not so bad. It's just the form. En fait, on peut traduire, c'est pas si mal ou c'est pas très, pas terrible. Richie, you're one. We have it. All right. Mea wifey. Mea wifey. I think she was asking for the Wi-Fi. J'ai eu l'impression qu'elle demandait le Wi-Fi. Again, again, again, again. Mea wifey. Mea wifey. Mea wifey. Oh God. Pas mal. Zero. Zero. Zero. Zero. Zero. Okay. The teacher said zero. She was okay. Trying to, she's supposed to be saying I'm the wife. I'm the girl. Okay. En fait, t'es censé représenter, right. L'incarner, tu but vois. But you have to do like this. Okay. My wife. You have to go. My wife. My wife. All right, next one. This is long. Big it up. Girl, you see your batty rider. Big it up. Big it up. Gyal you see. A batty rider. A batty rider. Batty rider. That means a completely different thing. Ah oui, tu viens de dire un truc qui visiblement n'était pas du tout dans le cours. Peut-être que t'as dérapé. But she sounds nice with it though. Mais c'est okay, tu t'en sors pas mal. Popcorn. Ah. Get the kill them crees, you know. Kill it, kill it, kill it, kill it, you know. That's the best. Last one. When maybe? Popcorn gets here, you have to let her say it for him. Okay, il faudra que Popcorn t'apprenne, yeah, comment il le fait lui. Can you teach her how to be a bad gal like Cécile, you know? Est-ce que tu peux lui apprendre à devenir aussi bad gal que toi, Cécile? That takes years of practice. Years of practice. Then she gotta go to the club with us tonight. Yeah. You gotta give her a bad rhythm and let her like be whining right now. En fait, en réalité, si elle était dans une discothèque, ça serait plus simple pour elle parce qu'elle te montrerait comment devenir une bad gal. Est-ce que tout le monde veut voir ça? Oui. OK. Nessie, stand up. Cécile, stand up. Est-ce que tu peux me jouer un petit rhythm? Un rhythm. You want a bad rhythm or you want a something with them can whine? OK. Slowly whine. OK? Slowly whine. Let's try this one. OK? This one. seul. Allez, Nessie, on encourage Nessie. Give me fever, hey. Nessie. Allez, attention, attention. C'est parti. Ok, give me. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic. On est en live sur Facebook. Tic, tac. Rock it, set it, à toi. Allez, rock it, set it, rock it. Bon, ok, ok, ok. We have a new challenger. Sabri, je te demande de t'avancer sur la... Sabri. Allez, Sabri. Je suis occupé, monsieur. Non, Sabri. You said it, hey, je peux faire un selfie. Il garde son selfie. Attention. On y va, c'est parti. Bad. Yeah. The same song, ok? La même chanson. C'est en live sur Facebook, vous nous rejoignez. Non, mais ici, on bouge pas. Cécile et Sabri, s'il vous plaît. Hashtag G97, hashtag TraceFM, rendez-vous sur les réseaux sociaux. 0820-203-200. Je crois qu'elle vient de se rendre compte que 24, c'était pas vrai. Alors, Richie, is that the good ways to move a body when you're a man? No. When you're a real man, real bad man, move this way? No, when you're a bad man, you have to stand up. Can you give it? You have to just have to stand up. Tu dois rester un peu plus blasé, en fait. The female has to do all the work. Ok, c'est la nana qui fait tout le travail, en fait. Yeah, but if you're a professional whiner, it's different. Ok, can I ask you to do it? You need a girl. To do it with Lilou. No problem. Ah, ok. Yeah. Same songs. New challengers. Bad man one. S'il vous plaît. Don't let me down, bro. Don't let me down. Ok, c'est parti. Same song. Et c'est Lilou qui s'y. Heureusement que tu masques un Lilou ce soir. Il s'échauffe. Et il chauffe. Petit tour de rein. C'est parti. Richie Loops va whiner. Et surtout, les garçons, regardez bien. Ok. On reste assez statique. Ok, on y va. Let's go. Tic, tac, tic, tac. Ah, il est un peu actif quand même, le garçon. Hein. Ok, on applaudit bien fort. So let me have a question. What's the name of the baby? You just not have yet, sexual intercourse, no? No, no? What's the name of the baby? You never know. I will never know. Ok. Richie Loops et Cécile avec nous dans le Trace Studio. On va passer une nouvelle séquence. On voulait te présenter quelqu'un ce soir. Dans un petit instant, elle se prépare. I know you love French West Indian flow. Yes. French West Indian music. So, there's a little girl in the studio called Meryl. Could you come, Meryl? Yes. Est-ce que tu peux te rapprocher, Meryl? Okay. She loves music. Okay. And she's really humble, you know. She takes a lot of rhythm. She took a lot of rhythm and she gave that rhythm her flow. Ah. And she become huger and huger day after day. And so she's really shy. Oh. She's from le Saint-Esprit. Faites alléluia! Attention, elle s'appelle Meryl. Nice. Est-ce que tu es prêt à me jouer un peu de Meryl? Est-ce que t'as les instrus, mec? Ok. She gonna test something. She gonna give some flow and you will give maybe your advice and what you think about it. She's really shy, but I think she has a great talent. Okay. Quand tu veux, play the rhythm. Oh no, nigga, nigga, oh no. Monte le son. Wake up, go to vive la vie, ade. Yeah, can't hear the beat. We can't hear it. Plus fort le rythme, plus fort le rythme. Let's go. Wake up, go to vive la vie, ade. Ça évident, faut bien, ça fait ton jour. Même si papa, maman, pas j'ai content, pas enchanté. All I want me, baby, is you stop. You like it, tout ça, stop. Nous qui connaît top de le qu'il n'y fait. Y'a qu'il y avait qu'on s'y dirait. et nous commettre un crime. Just prepare yourself, love la pas jamais bête. Dans sa vie, Kevin, sans jamais tout demander, nous pas tout répondre. Oui, oh non, oh non. Hey, occupez-vous seulement d'y aimer, moi. Occupez-vous, hey, occupez-vous seulement d'y aimer, moi. Occupez-vous. Tout la qui falling le bonjour. Meryl. She's really, really, really, really, really, really, really impressed. I like her voice. Obviously, obviously, got some emotion. I like when she started DJing. I love it even more when she was singing. Yeah. Elle aime beaucoup la manière dont tu poses. Tu as envie d'essayer un petit truc avec elle ou pas? Ok, so can we make a souvenir, a memories together, ok? Jamaican featuring with French West Indian girl, emergent French West Indian girl, okay? Let's go, play the rhythm. Yeah. Yeah. Who's the first? Richie! Huh. Are you ready? You ready? Are you ready? You ready? She want a rude boy, yeah? She want a... She want... Hey, says she want a rude boy, yeah? Alright. Looking at me. I'm looking at her. You know we met the purr. Nah, say nothing too slack because you know, so from the first half, you know who had the talk of the town. Me black and she brown. You know, see how we run the town. Cecile. She sounds so good, I like your style. Big up Trace FM, everybody get wild. Cause she bad. She bad. She bad. She bad. She bad. Ba ba ba ba ba ba. Yanni. She bad like what? Way hotter than them. Ooh. Richie Loop, Meryl, you want my friend. Yeah. And that she really name me, no member, it's so good. But DJ Fly, come over here, so boo. Wah. Tell the girls that she bad like wah. Wah. Martinique with her like wah. Yeah. Trace FM, I say we bad like wah. Yeah. Come in, baby girl, let me hear you say that. Hey. The music, let's show you the... pull up. Vas-y. Mais si là, j'ai des scapés, les mots comme c'est payé, les mots n'ont pas escapé. Overdose, nous bien chier. À force, vibe, pression, on tire pas qu'à déchirer. Aïe, la déchirer, si son cabaoli. L'autre monde qui a ouvert la porte, qui n'a rien. On s'est un pire, on m'a tiré les bombiers, venir. Puis nous venir, nous prenons pompiers. Hein, goûter, feuille, tourner, respirer, flow, à faire sortir, pas tourner. Et même si, MC, j'ai pas les mots qui viennent. I don't know what you were saying, but that sounds wicked. Elle a eu son featuring Meryl sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Encadré par Richie Loops et Cécile. Fly need to record her, man. Yes. Fly. Voilà, si jamais t'as besoin d'une signature, une nouvelle voix sur tes rythmes. DJ Fly qui est avec nous en vrai. Regardez, c'est le bro. Vrai. Yeah, DJ Fly, applaudissements pour lui, s'il vous plaît. La Fly Session. DJ Fly. Ok. Ok. Would you want some Creole sentence to learn today? Ok. Meryl, est-ce que tu peux lui apprendre un truc typiquement du Saint-Esprit en créole? On est dans les échanges de langage, les échanges de langue, ok? Apprends-lui un truc en créole. Je sais pas, moi, faire un... La quai maman. Ok, that... La quai maman. It's like your mother house. Ah. Ok, it's not a bad words. C'est pas un gros mot, non? La quai maman. I like bad words. Yes, yes. Like words. Tu peux lui apprendre ton petit couplet, HSE? Bon, HSE, bien bonne des fesses domino si on table. Essaye ça. HSE. HSE. HSE. Bien bandé. Bien bandé. Débordé. Bien. Chacun son tour. Bien bandé. Bien bandé. Fessé domino. Fessé domino. Si on table. Ok. Si on table. Ok. Tu nous montres? Vas-y. HSE, bien bandé. HSE, bien bonne des fesses domino si on table. Timouna vient n'est pas qu'à vomir, ça pas si potable. Rivé en l'air, ange des blotchés pio qui oriental. Mi bad gaz de yo tout la si wotable. Oh non, Vanessa trompé comme une homme. Mais à te faire sans l'air, ce soir c'est son toy boy. Oh non, des mains en jacques à wépliré. Monsieur Jack Daniel n'aura pas d'excuse pauvre bébé. Meryl, merci beaucoup. Oh. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. This is now. This is the moment. Yeah. Ah, il a le rythme. Il a le rythme. Ah ben on le fait rapidement, Meryl. Ok. All right. HS bien mordé, mais c'est domination table. Allez, on le fait. D'une fois, une traite, c'est parti. One, two. No, no. That was a connection between the French West Indian flow and Jamaican flow. I see a lot of euros here, bro. T'as eu des idées, ça t'a donné, like, ça t'a inspiré. I like her. Just ouais, a lot of bien. Euros here, man. Yeah, là, we need to sign her. Elle a vraiment quelque chose de très humble, de très authentique. Cécile avec nous et Richie Loops. Est-ce que vous avez envie d'entendre Cécile et Richie Loops chanter ce soir? Je crois que c'est le moment où on bascule, hein, Miguel. Je crois que c'est le moment où on va se mettre bien. Let's play the music, non? We are singing now. Ready? You ready? No, in time you're ready. A few questions before. Oh, okay. A few questions. Yes. En mode sexy confessional. So, 60 years ago, you start with a song. Il y a 6 ans, pardon. Named Changes. Mm-hmm. In China Girl Rhythm. Yes. Il y avait une chanson que tu chantais sur le China Girl Rhythm. And you was like joking about some sexual performance. Sur les performances de tes partenaires. Yes. About some artists. Yes. Et carrément des artistes parmi eux. And I've never slept with any of those. Mais glad never boss yet. None of them. So this was only, sorry, you heard. Only my head. Only you heard. Only that. Ça, c'était de l'imagination. C'était pas du tout des vraies expériences. It was no good in the song. Like they weren't good in the song. It was really bad. Yeah, really bad. So let me ask you some question. Yes. Yes. So. What make you feel sexy? Qu'est-ce qui te fait te sentir sexy par rapport à un mec? Okay. Scent. Scent. I like smelling good stuff. Yeah. Good music. Les parfums, les odeurs, good la music. Musique. Sexy music. Like I like The Weeknd. Quelque chose de sensuel. Often. Comme les l'album des Weeknd par Shadé. Exemple. Shadé. Mm. Ce genre d'ambiance. Jenny Aiko, oui, on sait très bien, ouais, on voit qui c'est. Ouais. Quoi d'autre, Lilou? I like. J'aime aussi. Bad boys. Elle aime les mauvais garçons. Yeah. Ouais, c'est tout moi. Quoi d'autre, Lilou? What do need a man to seduce you? De quoi aurait besoin un homme pour te plaire? He could cook me something. Il faut absolument qu'il cuisine. Ça, c'est... Oh putain, j'ai eu peur. Like naked. Like you have to cook naked. Est-ce qu'il doit cuisiner tout nu? With an apron, that could be good. Avec éventuellement un petit habillé. Yes. Ok. Yes. What was your worst sexual experience? C'était quoi ta pire expérience sexuelle? Ok, like there was... It didn't happen. Ça n'est jamais arrivé. It didn't happen because he was trying, maybe he wasn't getting it to... En fait, il s'est tellement... Maybe it was small, I don't know. il était tellement, il s'est mis tellement la pression. Alors j'ai pas compris s'il s'est mis tellement la pression ou alors il était tout petit. J'ai pas compris le small là. C'est les deux. That was on Carib Zik. I probably know the guy. I didn't get no love on the Carib Zik. I never get any love anywhere. Okay. When I go to work, never, ever. Quand elle travaille, jamais elle mélange le plaisir et les affaires. But I would like to get some work done in France. Mais en France, yeah, les règles peuvent changer. And what was your favorite sexual experience? You can give a name. A real one. Yannick. No, sorry. Who or what? What? You what? Can you can answer and what who? You want. I can't if you want. Say who. Tu peux dire quelqu'un ou tu peux dire qu'est-ce que c'était. Because y'all gonna know who it is. So I can't say who. But elle peut pas dire qui c'est parce qu'apparemment on le connaît. But what was the experience? What does he do? Well, I like. Okay, I'm weird. I like lingeries and videos and stuff. So I like a man that can appreciate high heels and lingerie and all that. Every stuff. Man loves that. No, not every man. Je ne traduirai pas ça. Ah, mais non, mais ça avait l'air super intéressant. I'm like super porn star, like, you know, I'm super bad like that. S'il like te plaît, traduis. Non. Fais travailler un peu ton anglais, je ne traduis pas ça. I'm not gonna translate that. Cécile avec nous, mais également Richie Loops dans le studio. T'as fait le tour ou pas, Miss? On bascule en mode musique, les gars. Vous êtes prêts ou pas? Ouais. Vous voulez voir Cécile en live? Ouais. Vous êtes venus pour la G97 live, c'est normal avec le forfait Play d'Orange. Quand je dis G97, vous dites live. G97 live. G97 live. Qu'est-ce qu'on fait? On se pousse un petit morceau ou on est prêt, Migo? T'es chaud? Allez, let's go. On a eu DJ derrière les platines, on a Richie Loops avec nous, on a Cécile. Faites un maximum de descente, s'il vous plaît. Il faut que ça tape un peu plus dans les mains, s'il vous plaît. Tap, tap, tap, tap, tap, tap. Et dites-moi son nom, s'il vous plaît. Mike. But it hurts me when you leave. Wonder. Hey, what was that? I cry a river, flowing, flowing, flowing, flowing when you say you're going. Oh, this can go on, but you're fantastic. Boy, you're marvelous, your positions got me delirious. Damn, I feel for you. There's no breaking up, don't wanna share you. But if I must, I must. So I'm gonna love you when you're here with me, and love you when you're gone. Situation's so wrong, but babe, the love is enough to love you when you're here with me, and love you when you're gone. To another girl's arms. I deserve better, but baby, better makes me sad. Why you give me pleasure, so I keep holding on. There's a lover's blind. Well, it must be, 'cause I can't see you being without me. If you don't leave her, I'll be staying. That's the way love goes. Sometimes you're, oh, I'm gonna love you when you're here with me, and love you when you're gone. Situation's so wrong, babe, the love is enough to love you when you're here with me, hey. And love you when you're gone to another. And I don't know who you choose, who you choose. Hey, somebody's gotta win, yeah. Somebody's gotta lose, hey. And I don't know what you do, just what you do, and who decides to stay, and who will walk away. But you're fantastic, boy, you're marvelous. Your position's got me delirious. Damn, I fell for you. There's no time to share you. So I'm gonna love you when you're here with me. What? And love you when you're gone. Situation's so wrong. Babe, the love is enough to love you when you're here with me, and love you when you're gone to another. And love you when you're gone, hey, hey. hey, when you're gone. Yeah. Well, are the cheaters them there in the house? Where the bad girl them there? Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Some boy I go bad, cause I remix your heart. Hey, keep doing what you want, but I hope you don't, ladies. Lord, I don't wanna cheat on boyfriend, but as far as I can see, what? He's cheating on me. Lord, I don't wanna cheat. Ladies, come on, boyfriend. Man, them a kill me. But Lord, since you can't stop him from cheating, wait till him left the yard. He's a new man a come in ya. Wait till him left the. But you know what we gon' say, Trace FM? Alright. Baby, if you love me, I wanna lie. If you love me, wanna make me cry. If you really love me, you will try. Give you all that you have, still you're not satisfied. If you love me, you wouldn't cheat. You would need no other girl but me. If you really love me, you would be the very same thing that you're asking of me. Oh, you say you love me, boy, I know. But who else you're loving? I could be wrong, but I don't think so. What? No, no, uh-oh. I know you, you're creeping. Late night phone calls when I'm sleeping, and you don't answer the phone when you're beside me. If you ain't done nothing wrong, why you hiding? Baby, if you love me, I won't lie. If you love me, would have made me cry. Really love me, you would try. Give you all that you ask, still you're not satisfied. If you love me, I wouldn't cheat. You would need no other girl but me. If you really love me, you would be the very same thing that you're asking of me. Hey, hey, hey. Big up all of the cheaters in the house. Where you at? Where you at? Where you at? Where you at? Where you at? Alright, big up all of the black man them. Anyone not there? Big up on the self. Yeah. Up where you come from, baby. Oh, I love your black skin. Yep. Yeah. Pick up where you come from, baby. Oh, I love your black skin. Me see it clear, you are true woman. You're looking like my newbie, and my love for you is everlasting. I love it if you choose for you to come, I choose to wear your legs out, baby. Oh, I wanna love you down. That's when you come and let down the air. Are you ready from the air? You are my African king. You want all my love, not another for you. I sing, oh, every love song I bring. Every single note, every word. Chronic! A new African royalty. There's not another for me, girl. African woman, the stone that the foolish cast out is a diamond for you, baby. Whoa. I know a diamond you no want, no, just diamond for you, baby. Oh yeah, child of the motherland, you can't find another one. No replacement for a real African. Me give you the medallion, one in a million. So put your hand in a me and the my African king. You want all my love, not another for you. I sing, oh, every love song I bring. Every single note, every word, surely sing. And you are African royalty. There's not another for me. Yo, yo, yo. Alright, cheers. Me not know about a next man, but are you me want. Nobody can compare to you, cause you a shot. Open up my life, you know what this are, you figure. Straight up, baby, you fit be me official. Na na na na na na na. Me not only just a talk. Eeny, meeny, miny, mo, cause I who I feel my star. Black up in a this a black man, me represent. All we a one, but you the only one for moi. Woo. Not to yes, yeah. Every single world so busy. A new African riot. There's not another for me. Hey, Mr. African, pick up where you come from. Baby, I will love your black skin. You're built to perfection and you don't need no suntan, cause your body's so exquisite. I love it if you Boy. Yeah. A princess, yeah, so me couldn't give him no less, yes, than the good, better, and the best, yeah, sometime I put him to the test, yes, and him no end up in a no mess, yeah, when he's with me, him no see the rest, yeah, that man ya deserve my respect, yeah, that's why I'm waiting, hey, on my baby, he may be gone from my side for a while. Too long, Cecile still not is the program. And when my body wants some attention, for reminisce on his kiss, give me satisfaction. So me no want no misinformation, cause I could never hurt a good man. They don't dig my situation, not explain, cause them can't understand. It's because I'm, yeah, on my baby. He may be gone from my side for a while, but we gonna do some Jamaican wine up in here. Ladies, where you at? Ladies, you ready? Alright. Go on to the French wine. Come though, come though. So John no man not eat. But my man me not cheat. No way. Because him don't not give me I triple up my heartbeat. Sing. And no matter where him gone, baby, yo, me still a hold on. Gotta hold on tight. So no matter who them ball and I plead, beg me, I go wait till I'm back in home. All the time, I'm on my. He may be gone from my side for a while, but I'm not. No, no, no, no, no, I'm. Feel it, feel it. On my way. We're talking, sir. We're talking, sir. No matter what. What we say? Love is love. Me say it's sticky out there. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. It's the peyote. Yeah, yeah, yeah, yeah. It's the pretty peyote. Yeah, yeah, yeah, yeah. It's the pretty peyote. Yeah, yeah, yeah, yeah. In a tree, so we there. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yannicka say we there. Yeah, yeah, yeah, yeah. DJ Fly, where you there? Yeah, yeah, yeah, yeah. Hey! Bad girl thing. Levels. Yeah. I just the body where we have had a dem and I cry for. Where me have had a dem and I cry for. I just the body where we have had a dem and I cry for. Hey, hey, body with me. Hey, baby, loving when you whine for me. You tell me what you want, baby. I'm in loving where you are, baby. Oh Lord, but so I ain't pa me did it like a background the corner. Come pack a cup, yeah, the right sweet, yeah, maha. If you love the world, me turn it up like a sauna. Hold up on my body, yeah. Set it, set it. Broke off my back, yeah. Set it, set it. Waistline the world now. Set it, set it. Hold up on my body, hold up on my body. Come love for me. Set it, set it. Bend it on. Set it, set it, set it. Roll and set it, set it, set it. Watch how me set it, set it, set it. Why? Find your body, me no stiff like soldier. Tabletop make the booze take you over. Pan the floor, you no care if you're sober. What was it? Him love on me wine. Him love on me wine up. So up on the pool with me wine. He said me wine like a go-go. Up on my body, yeah. Set it, set it. Rock off my back, yeah. Set it, set it. Best wine I want to. Set it, set it. Well, I'm by my body. Well, I'm by my body. Love on me, set it, set it, set it. Benita, set it, set it, set it. Well, I set it, set it, set it. Watch how me set it, set it, set it. I just the body when me have another man I cry for. Body when me have another man I cry for. I just the body when me have another man I cry. Body when me have another man I cry. Bust a rhyme for me daily like a bike round the corner. Boom, pack a cup, yeah, the right sweet jam. If you love the ride, me turn it up like a sauna. See, you know what do? Yeah, what? All right. Boss a shot for the girl with the bumper. Ball out for the girl with the bumper. Push up your one for the girl with the bumper. Shake up your body like what? Boss a shot for the girl with the bumper. Push up your one for the girl with the ball out for the girl with the. You know what? So girl, pat it up, pat it up, pat it up, top, top. Pat it up, pat it up, pat it up. You know you're fat enough, fat enough, fat enough. Turn it up for me now, no. Alright then. So girl, prowl out like me granny newspaper. Shake up your body like a mini star shaker. Tell the way you wine, with your spine. You a fi go be mine. Shake the ground, earthquake, yeah. Tell me a fi get your body like boy. Can your body turn up like boy. Tell the way you wine up your body and the muscle up your set. Me now I see you when you drop it down low. Bust a shot for the girl with it. Bumper. Put up your one for the girl with it. Ball out for the girl with it. Bumper. Shake up your body like. You see? Bust a shot for the girl with it. Bumper. Push up your one for the. Bumper. Say ball out for the girl with it. Boy, boy, you know what I see? Chase we FM. So we're there alive, right? We so fly. Y'all need to pick up yourself. We DJ Fly. Bust a shot, bust a pam, pam. Introducing Richie Loop. All right. Ready, Chuck. So we are going to do one more for the people then. Are you ready? Everybody start doing a thing like this. Go, sir. Start skip, start skip. Everybody grab your party cups, yeah. Are you ready for party? Once everybody start doing this now. Start, go, sir. Start, go, sir. Everybody know that party, I'm going to sing. Hey. Say so what's in my cup, stays in my cup. In my cup, stays in my cup. Say my drink. In my cup. Yeah. In my cup. Oh my yes or no? Say my cup. Hey. Oh my yes or my cup. Hey. Yeah. Say my cup. Hey. Say what's in my cup. You know why? I got my swag up high. Gonna party till I touch the sky. So I got the air and the Henny on the table. And I'm pulling my cup from a table. My drink kinda got me on. I'ma need a driver because I'm unable. But thank God I left my keys with cable. You know why? Say what's in my cup stays in my cup. Yeah. In my cup stays in my cup. Say my drink is in my cup. Alright, big up on yourself. Say. Say my cup. Yannick. My cup. White cup. My cup. Hey. Say what's in my. Yeah, what level, levels, levels. One big up all the people them. We come out. Big up yourself, look around, me see you. Big up the guitarist. Big up the cameraman them. Big up all the ladies next them. Track. You understand? Big up on the step. Love, respect. Cheers, FM. Oh. Oh. Oh. Woo. Cheers, FM. Yeah, yeah, yeah. Woo. Where the zook dancing them there? Woo. Get it. Yeah. Woo. Roll boy, grind time is starter. Yeah, man, I meet you in you gonna. Right now, while you're loving me, I cover. Don't know you're so weak, but you took me on. You took me on, you told me on. The lover you perform, lightning, raging storm. Come put it on my bad man. One, two, three, nothing no wrong. A plus your loving at the bomb. I'm a kitty cat to you belong. Baby, you want my tights and under. Come touch this body. La, la, la, la. Come Put your love upon me, my wanted baby. Sweeter than honey. When you put it in there, alright, can't wait for it so time. Can't wait for you for come by high day. Missing you so bad, baby. But miss you like crazy. But they are call of sick. One ride a hip strip. Reminiscing on the big stick. Take up your phone and snap out. 1, 2, 3, nothing no wrong. A plus your loving at the come touch this body. Come put your love upon me, my wanted baby. Sweeter than honey. Eating lele, eating lele. Love when you put it in there. Eating lele, eating lele. When you put it in there. You turn me on, you turn me on. I love how you perform, you turn me on. You turn me on, you turn me on. I love how you perform. 1, 2, 3, nothing no wrong. A plus your loving at the bomb. I'm a kitty cat to you belong, baby. Hey, run it. And I really mean this. But me really have to pray this. Certain things me I go talking, not a song, you gotta read it, yeah. But believe this, to them it's like life and I know, yeah. Gonna pop off like Bolton, Martinique, French Guyana, what are we for the song, yeah. What can I do to make this world a better place? My one live and just be free, but my freedom is at stake. Last night me here and I done the look of you. Me know me have a part to play, but me kinda confused. What can I do? What can I say? Sometimes I feel so guilty. If I can be a part of the solution, I'm a part of it. We have to rise up, up. I feel wake up, up. Look for a good country, we're mashing up. If I want things for better, we have to talk up. You're just as bad if you keep your mouth shut. Nah, now we are standing around me. Then I go find them, them on their own me. Are you for blame if you keep them company? Right now, well on them. I just feel like to sing a love song for me. I'm a drive go link. Him says Cecilia, where you have to find a plan. One wall of meds, me why you give the people a culture one. Yeah. Some are looking at myself, them say word is power. Than mean my powerful with every note my utter. With this power that I've gained, if my life can change. We have to rise up, have to wake up. Look for a good country, imagine how people want things to be better. Yeah, that's as bad if you keep your mouth shut. Nah, keep now when you span around me. And I go find them, the man around me. You for blame if you keep them company. I don't say DJ Fly, what we say? Yeah. So when you're going out, yeah, and you're coming in, yeah. You say your hands clean, what about your friend them? Your conscience free, yeah. But is it really free? Yeah. But you see I'm blind and you're guilty. So you better pray, yeah. Certain movement, yeah. Make sure say you won't call them your friend. If you keep silent, that time let the change. Better know you have a sharing of the judgment. We have to rise, have to wake up. Look for a good country, we're mashing up. If I want things for better. You're just as bad if you keep your mouth shut. Nah, keep now you smile around me. Then I go find them, the man around me. Yeah. Alright, we're gonna introduce from Martinique, Chris, my brother, you ready? We gonna do this like right here. We gonna do this really live, like live. Pumped, bro, I can't even sit right now. Yeah, yeah, until they get ready, I can just sing like this. Big up, Trace. It's chill. Yeah. Da, da, da, da, da. Oh, hey. Alright. Baby, I love you, I'ma not tell no lie. I'll stick by your side till the river stop flowing. The honey stop pouring. The cars and the clothes and the bling and the ice. I know that catch my eyes. Don't care about the glory. You couldn't use that for home. Some of these girls ain't loving you for what you are. Them loving you for just what you are. You should be getting what you deserve. Some of these girls loving you now because you're a thing of worth. But love you second cause them love the money first. At the money alone I quench them the thirst. Say, I love you when it's raining. When your life full of problems. Oh, I love you when you ain't got no money. No dollar sign, my happy. Some of them wouldn't love you if you ain't got a cent, but them I love you now. Oh, convenient. Me know you know money love. Whoa. I may not deal with salary. I may not deal with cash and carry. Exchanges are no robbery. But the love where you give me and my currency. Them say money talk, money walk, money can't love me. Bankroll turn up, he can't roll up with me. You got wealthy, don't mean you're wealthy. That alone could make you get my property. These girls ain't loving you for what you are. Them loving you for just what you are. You should be getting what you deserve. And some of these girls loving you now because you think I work. But love you second cause them love the money first. The money, yeah. Huh. I love you when it's raining, when your life full of a problem. Oh, I love you when you ain't got no money. Another last sign make me happy. Some of them wouldn't love you if you ain't got a, but them I love you now. How convenient, me know you no money love. Yeah. I may not deal with the almighty dollar. Me not deal with chips. No love you to your moon. I make me love have. You fans don't matter what it is and what you make. No care about the latter. I may not care about your gravy. Romance not finances. No capital not necessary. It's investing in my happiness, baby. For your money, I don't I don't love you for your, I don't love you for your money. I love you for the black man that you are. Yeah, yeah, yeah. Say money, money, money, money love, money love. Yeah, and before, you see that song right now? This song is called One Love. I always wanted to write a song called One Love because I mean, I love Bob Marley's One Love so much. So this is my One Love. Ready? Okay. What are we fighting for again? Hey world, let's just be friends. What are we fighting for again? They playing you, they playing me, they playing us. They want us to fight, they want us to fuss. They playing you, they playing me, they playing us. They want us to fight, them want with the fight. But we say one love, one love. One love, oh, one love, one love. But how we say one love, one love. One love, oh, one love, one love. Say, yeah, yeah, yeah. We don't need no war, we don't need no war. Yeah, yeah, yeah, yeah. We don't need no war, we don't need no war. Yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. they telling you who to love, how to hate, who fear, who not to trust. No hatred, no greed, no, no bigotry, say no, no, make them lead. We don't need, we don't need, we say one love, one love, one love, one love, one love. But how we say one love, one love, sing one love, one love, one love, say. My brethren, thanks everybody for coming out. Yeah. Arrange, pick up yourself here, Orange. We don't need, yeah. Big up my team from Martinique, Caribbean in the house. Where you at? Big up the band. I use them. They're from Martinique. Chris, pick up yourself. Caris, pick up yourself. Big up yourself, brother. Rachel Loop, big up my DJ. Big up yourself. Big up Trace FM. French Guyana, listening, OMG, Guada, I can't wait to come back. I love you, y'all know I love you already, right? Martinique, I love you so much. Hey, we don't need no war, we don't need no war, sing. We don't need no war, we don't need no war, hey. We don't need no. Oh, big up my makeup artist. She did my makeup today. I rushed her. We were rushing so much. We don't need. We don't need no art. Thank you, guys. Thank you. Bang, bang, bang. Oh, you guys have Hot Like We? You guys had a track? Cause I don't bring that track. I don't bring that track. I don't bring that track. Can you find it? Big up DJ Fly. We got it. On red alert. Hey, buddy. Let's go, let's go. Lad, lad, come. You're hot and you're sexy. They're not hot like we, like we. They're not hot like we, like we. They're not hot like we, like we. They're not hot. They're not hot. They're not hot. I mean, say pull up from your ass. Somebody, don't you wanna get it on with a bad? Pull up from your ass. Somebody say. In a bed, don't make me turn and twist. Jamaica bad girl, it's like a ton of. Hey, pull up, see dog bunny to make you. I got one, my man, woman, I care about that. No competition, come my good in the sack. You suck, no, I'm in afraid about shots. Go for rotate it when I put my pants up. Man, I like every freaky, so use the hot wax. That you up on the bed, me we walk you relax. Wicked is slang when my muscle can't. So no time at all, them can't send me. So baby, pull up from your ass. Wanna get it on with a bag. Pull up, everybody, everybody. Say yeah. So baby, pull up, make me turn and twist. Jamaican bad girl, it's like a ton of bricks. Pull up, sit down, and say yeah. Them not hot like we, them not like we, them not like we, like we, them not, them not, them not, them not, and